CIFOU 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Oh, qu'on a de belles choses. C'est Sébastien Guertin s'en vient pour nous parler d'actualité internationale. Gabriel Béhout fera tout pour It's Sauf étudier en jasant d'improvisation dans les coulisses de la lutte. Tu vois, toi, t'avais ouvert ton onglet. Oui, exactement. Aujourd'hui. Assemblage requis pour toi. Aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à l'Assemblage requis en ce mercredi 18 octobre 2017. On est à 191 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, je m'appelle Tania Baudin. Oui. On est en direct des studios de T'es fou à Trois-Rivières, sachez-le. Sachez-le. Moi, j'ai vraiment plus de voix en ce moment. Je sais pas ce qui se passe, mais je suis en train de perdre la voix. C'est le changement de température, je suis certaine, Mathieu. Oui. Parce que moi, je me mouche de plus en plus. Ah, moi aussi, on s'arrête pas. Et en plus, on était totalement préoccupés par la nouvelle de dernière minute dont tout le monde va parler aujourd'hui, oui. Dont on parlera pas trop longtemps, là, mais Colin, qu'on n'est pas Éric Salvaire. Hein. Eh boy, hein. Autant en termes de vedettariat qu'en termes de montrer son pipi, présumément. Exactement. Allez vous renseigner, s'il vous plaît. Oui, allez voir ça. Nous, ça vous intéresse. Ça fait jaser, en tout cas, le matin. C'est ça. J'ai hâte de voir les reprises de Rire et délire ce soir à place de Salvaire. Avec... Donc, aujourd'hui, l'émission, on a plein de bonnes choses pour vous. À 8h, Alex Marchand va être là pour la chronique Musico Nightlife, qui nous présente depuis une fois. Donc, une deuxième fois. Exactement. S'il est là, à 8h. C'est une deuxième. C'est ça. À 8h30, David Ferron, du Journal Zone Campus, va venir nous parler d'actualité sur le campus et un petit peu en région, là, que ce soit sport, art et spectacle ou actualité. À 9h, Gabriel Béhoud de la Luitre, la Ligue universelle d'improvisation de Trois-Rivières, il va venir nous parler du match de lundi soir. Il va venir nous parler du congé qu'on va avoir lundi prochain. Ooh. Et du prochain match l'autre lundi. On aime ça. Ouais. Ta collègue s'en vient en fin d'émission aujourd'hui, Tania Galantetania. What's happening today? Je vous parle d'alternatives. Suspense encore une fois. Yass, c'était glace, c'est alternative. Yass, c'était glace, mais aujourd'hui, c'est alternative. Vous pouvez vous faire une petite idée. Vous avez le temps. Oui, vous pouvez inventer n'importe quoi. Exactement, c'est juste à 9h30. Allez sur la page Facebook d'Assemblage Requis, puis dites-moi ce que vous pensez que ça va être. Est-ce que Sébastien Guertin a une théorie sur ce qui s'en vient avec alternative? J'attends de voir. Oui, c'est ça. Tu fais bien. Justement, tiens, hey, c'est le fun de l'avoir, lui. Sébastien Guertin, le voici, avec sa superbe chronique du bulletin Guertin. Subtilement arrivé pendant qu'on était en train de parler et là on l'embarque dans sa chronique. C'est tellement, c'est gracieux. Il y a une grâce là-dedans, un mouvement là, de patinage artistique. C'était extrêmement fluide et professionnel. Toutes mes félicitations. C'est merveilleux. Donc Sébastien F. Guertin qui est là pour nous parler d'actualité, que ce soit au niveau provincial, fédéral, des fois international. Ça dépend, mais on sait que même si c'est du Québec ou du Canada, ça reste de l'actualité internationale quand on y pense. Des fois. C'est ça. D'ailleurs, ce de quoi vous faisiez allusion par rapport au penny de Éric Salvaille, je suis pas au courant. Ah non, t'as manqué la presse ce matin. J'ai pas lu la presse ce matin. Oui. Pas encore, je fais ça après ma chronique d'habitude. C'est ça. Bref. De belles accusations. Oh, ok, ouais. C'est pas rien que... Ok, je pensais que c'était plus drôle. De belles que... au pluriel, les accusations? Ben... Plusieurs. Oh. Ouais. Oh. Parce que d'habitude, quand il y en a une, ça marche pas bien, mais quand il y en a plusieurs... C'est, parlant de plusieurs, ça tombe un peu drôle, puis je me demande si c'est pas un peu relié, puis pas drôle dans le sens « haha », mais dans le sens « hum-hum ». Que parler de ça un matin puis qu'on commence avec ça parce qu'en fait ben je m'en allais évidemment parler de Harvey Weinstein. Ben oui, mais oui, notre ami quoi. Et de ce qui en a découlé. Donc j'étais pour arriver avec ça un petit peu plus tard dans ma chronique parce que je prévoyais de commencer en vous parlant de qu'est-ce que du slacktivisme. Oh, du slacktivisme. Est-ce qu'on essaie de deviner? Mais c'est du comme slack, c'est pas quand que quand tu marches sur une corde là, à 3 à 1 mètre de... Non, là tu refroidis pas mal. C'est ouais, c'est ça. C'est pas mal frais. Slack, le chef de conversation, le c'est droit de conversation en équipe là, c'est ça? Non. Mais, non. Ah ben non. T'aurais pu? Non, vraiment non. Pas. Okay. C'est pas le fait de spread vraiment très facilement? de spread. Ouais, c'est ça, potiner en fait. Potiner. Non, en fait, du slacktivism. Ok. C'est l'expression vient du mélange du mot activism, donc activisme, qui veut dire prendre des actions, manifester pour une cause ou plusieurs. Attends, slack ça va être paresseux. Paresseux. Exactement. Slacker, c'est un slacker. Dans le fond, c'est le mélange d'activiste et de slacker. Slacker, c'est un paresseux. C'est-à-dire pas faire grand chose, mais dire que tu participes à la cause en hashtagant moi aussi. Mettons. Généralement, ça, c'est quelque chose qui est arrivé avec Facebook et Twitter. Donc, partager quelque chose. Tu sais, les petits textes là, moralisateurs que le monde font copier-coller, c'est du slacktivisme. Si vous connaissez quelqu'un qui a le cancer, vous n'aurez pas le cœur de copier-coller ça. Genre ça. Les affaires comme je suis Charlie, je suis telle place, puis tout, quand il y a un. Tu sais, pas vraiment grand-chose pour aider les victimes, mais tu sais. Raise the awareness, ainsi de suite. Bon, fait que là, on sait c'est quoi du slacktivisme. Ouais. On s'entend depuis que Facebook est rendu une chose aussi centrale dans nos vies, c'est rendu très commun. Mm-hmm. Parce que, tu sais, l'idée, c'est que ça nous permet de nous déculpabiliser de rien faire, en fait. On a l'impression qu'on fait quoi? On fait pratiquement rien. Le minimum mais requis. On peut se dire, ah, tu sais, ma conscience est correcte. Donc, ça m'amène à, vous l'avez dit, hashtag MeToo. Mm-hmm. Qu'est-ce que hashtag MeToo? Ben, dans la foulée du scandale Harvey Weinstein, on va expliquer c'est quoi le scandale Harvey Weinstein pour rapidement. Pour ceux qui arrivent vraiment dans notre univers médiatique là, en 2017. C'est ça. Harvey Weinstein, c'est Il y en a qui disent Stein, mais c'est Steen. C'est Weinstein. Weinstein. C'est vraiment Weinstein. C'est un très connu producteur hollywoodien. La La Land. Je pense que La liste est extrêmement longue. Là, ça remonte jusqu'à les années 90 parce que avant il était. Mettons sa carrière. Excusez-moi. Ça va aller. Bagel passe mal. Ah, les bagels. Hein. Ah, c'est une graine. C'est. Eric Salvaille. Eric Salvaille est un bagel. Oui, c'est ça. Eric Salvaille est un bagel. J'ai laissé sortir un rire de Dominique et Martin sans faire exprès. Je vais essayer. Ouais, c'est, franchement, on n'est pas mieux qu'Éric Salvay, c'est ça. Harvey Weinstein, c'est bien au moins. On met du Weinstein, excusez, j'ai un réflexe de gars de philo qui le prononce à l'allemande. Harvey Weinstein, c'est ça. Il s'est fait, dans le fond, lui, sa carrière a explosé dans le temps qu'il était pour Miramax, qui est une grosse compagnie de production hollywoodienne. Quand Miramax est mort, au début des années 2000, Weinstein a parti de Weinstein Company avec son frère, dont je me rappelle plus le nom, puis j'ai oublié de me le noter. Qui est un peu l'homme de l'ombre d'ailleurs, là, qui se retrouve un peu devant les projecteurs. Devant les projecteurs, parce que là, Harvey Weinstein s'est fait botter de la compagnie par les actionnaires, évidemment. Pourquoi on parle de lui? C'est des scandales à nature sexuelle, c'est-à-dire que c'est assez connu que toutes les jeunes actrices qui passaient par The Weinstein Company se faisaient harceler par. Puis si vous prenez la peine de vous informer un peu plus en profondeur sur le sujet, c'est pas dur de spotter c'est quoi ces petits trips, mettons. C'est toujours des chambres d'hôtel. Il y a une assistante qui amène l'actrice dans sa chambre d'hôtel. Il est soit déjà complètement nu ou il est en robe de chambre. Tu vois, ça fait partie de l'article sur Éric Salvay ce matin. Ah non, pour vrai. Je vais vraiment les lire, ça m'intrigue. Ouais. Il y avait généralement, il exigeait de se faire masser pour ensuite aller prendre sa douche et il fallait que la jeune actrice le regarde prendre sa douche. Dans le fond, soit dans la salle de bain pendant qu'il prenait sa douche. Ouais. Une couple d'affaires comme ça, là. T'sais, tout ce qu'il y a de plus normal, quoi. Ouais. Et son assistante qui aidait là-dedans, bon, il y en a qui vont dire qu'elle est accessoire du crime, mais en même temps, je pense que c'est aussi une victime, là, probablement que Harvey Weinstein l'a menacé de plusieurs choses. C'est ça qui le massait le plus souvent. Ça, on a moins de détails, puis je veux pas embarquer dans le truc, mais tu sais, ça pour dire que bon, c'est quand même très grave. Là, après les premières sorties publiques, là, il y en a plein qui se sont mis à dire moi aussi, Weinstein m'a fait des trucs comme ça. Il y a eu des gags. Des gros noms, là. Depuis des années, il y a eu vraiment beaucoup de références à ça. Il y a un gag dans 30 Rock, la sitcom, dans des galas. Ça, dans des galas où il disait qu'il n'était pas recommandable, ce Harvey Weinstein. Mm-hmm. Et tout le monde tenait ça mort, mais là, c'est sorti. Puis il y a du monde comme Ben Affleck, entre autres, qui le défendent, qui disait là, c'est pas connu, on savait qu'il aimait les jeunes femmes, mais tu sais, de là à dire que c'était un agresseur, on ne savait pas, puis tout. Puis il y a beaucoup d'autres gens qui, qui sont sortis à Hollywood pour dire vraiment. Ben non, c'était un fait connu. C'était quand t'étais une jeune femme, tu te le faisais dire, tiens-toi loin d'Harvey Weinstein. C'est qui? Meryl Streep, Rose McGowan, une des plus récentes. Blake Lively, il y a Cara Delevingne aussi qui disait c'est une des dernières en fait. Jennifer Lawrence est sortie hier. Jennifer Lawrence, par contre, c'était pas par rapport à lui. Ok. C'est drôle parce que justement, je suis en train de lire ça. C'est pour ça que je suis en retard. Je suis en train de lire sur cette histoire-là. Arrête de dire que t'es en retard, t'es arrivé exactement, parfaitement. D'habitude, idéalement, j'essaie d'arriver en avance. T'as tout gâché, là. En tout cas, c'est Jennifer Lawrence, c'est différent. Puis c'est ça, c'est que celle-là. En fait, ça introduit ce que je voulais en venir, c'est que les gens se sont mis à partager leur vécu par rapport à ça à Hollywood. Ouais. Tous ceux qui ont déjà travaillé avec lui se faisaient dire sur Internet, si tu sors pas contre lui, ben t'es pas une bonne personne. T'sais. Fait que là, après l'autre. C'était pas une bonne personne, mais en même temps, c'est parce qu'il y avait besoin, je pense qu'il y avait besoin d'en parler, puis c'est un peu la thèse vers laquelle je m'en venais. C'est qu'il y avait besoin d'en parler, puis c'était difficile d'en parler. Là, il y a une vague, fait que ça aide un peu. Oui. C'était qui à matin, donc, qui disait. Il y a Jennifer Lawrence que ça a sorti, mais il y avait. J'ai un blanc. J'aurais dû me noter. Je t'aiderais tellement si je pouvais. Mais en tout cas, tu disais, je me suis jamais senti moins seul à Hollywood qu'aujourd'hui. Ah oui, j'ai vu ça. C'est. J'ai lu de la langue, Caroline. Je cherche en ce moment sur Google News et je le trouve pas. Hein? Ouais. C'était en même temps que Jennifer Lawrence a parlé tout de suite après. Lena Headey de Game of Thrones. Non, c'est une actrice. Reese Witherspoon. Ah bon, oui, c'est Reese Witherspoon. Exactement. C'est ça. Woody Allen est triste pour Harvey Weinstein. Oui, c'est ça, dit-il. Ouais. Donc, c'est ça. Puis là, je veux pas tomber dans le potinage non plus. On s'entend, c'est pas tellement ma tasse de thé. Moi, un exemple qui m'a frappé dans la première vague de personnes à parler, mais pas seulement par rapport à Weinstein, mais par rapport à le climat à Hollywood, par rapport à ça. Terry Crews. Ah ouais? Je sais pas si vous savez c'est qui, là. Le gars des pubs de Old Spice, le noir, avec des gros muscles. Ben, en fait, non, c'est pas lui. Mais il ressemble à ça. Ah. c'est un ancien, en fait, c'est un ancien joueur de football qui est devenu acteur. Le gars, il est immense, là. Puis pas dans le sens qu'il est gros, là, je veux dire. Il a fait des pubs de Old Spice, même, je suis en train de dire. Ça se peut de bord, en fait, ouais. Mais c'est pas le gars des pubs de Old Spice, mais il en a fait. Il en a fait la deuxième vague, ouais. C'est ça. Le gars est extrêmement musclé, extrêmement cut. Il crie tout le temps. Il crie tout le temps, mais en même temps, souvent, il joue. Puis ça, c'est qui est drôle. Il joue des rôles souvent. Il joue des rôles de le gros gars massif, musclé, puis tout, mais qui est don émotif, puis don doux. C'est ça. Ah, il est vraiment cool, ce gars. Il joue dans Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine, entre autres, puis c'est exactement ça, son rôle. Il est vraiment malade. On l'aime. Bref. Qui est quelqu'un qui est très apprécié, puis en même temps, s'il se fonge après tout, il fait peur, le gars. Clairement. Il dit lui-même qu'il pèse 240 livres. C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit sur Twitter, il a dit lui-même, dans un gala, il s'est fait pogner une fesse. Mm-hmm. Sa femme était à côté, puis c'est un producteur d'Hollywood qui a pas nommé, qui a pogné une fesse, puis qui l'a regardé dans les yeux, puis comme l'air de dire. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais clairement, tu sais pas, il y a une fesse, puis il sent pas. Il a dit. Faut que ça soit vraiment serré. Il a dit, tu sais, j'aurais le goût de le puncher, mais en même temps, ça aurait été quoi les headlines le lendemain? C'est ça. Terry Crews, l'acteur de 140 livres de muscles qui frappe un Hollywood on show, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'il a rien fait, puis il a dit, ben c'est ça l'omerta à Hollywood, c'est de même. Puis il dit, si lui, ça l'a fait faire, imaginez le nombre de personnes qui se sont fait faire. Ouais. C'est ça. Et tu sais, entre guillemets, des femmes peut-être pas sans défense, mais tu sais, avec moins de défense. Mais c'est ça qu'il a dit. Il a dit qu'il comprenait pourquoi finalement des femmes faisaient pas ce genre de sortie-là, dans le fond. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que lui y compris, mais là, c'est que ça a donné naissance à un hashtag autant sur Twitter que sur Facebook, hashtag MeToo, où ce que là, particulièrement les femmes partagent ce qu'ils ont vécu, leur, Ouais, que ce soit court ou même en très très long et en large. C'est ça, puis c'est correct, puis oui, je pense que... Non, il y a rien de mal à... On dit pas que c'est mal de le faire. Pourquoi je parlais de slacktivisme? Ben c'est que ce qu'il y en a qui vont dire, c'est que ouais, mais ça va-tu changer quelque chose? Ça a l'air d'être un problème systémique à Hollywood. Ouais, c'est ça. Tu sais, de témoigner puis tout, ça va vraiment changer quelque chose. C'est comme partager ton témoignage sur un cancer à ta famille. Est-ce que ça va régler le cancer? Non, mais ça fait parler de ça. Ben, exactement. Puis ne serait-ce que... Puis on oublie que ça fait partie du fait d'être... Parce que une fois que tu te fais agresser sexuellement, tu sais, c'est... On appelle ça un viol parce que ta personne a été transgressée. C'est ça. Tu voulais pas ça. Donc, c'est cette transgression-là, ben, tu sais, ben déjà, c'est quelqu'un qui s'est déjà fait défoncer une fenêtre chez eux. Comment est-ce que tu te sens pas en sécurité après? Ouais. Imagine, là, c'est même pas ta maison, c'est ton propre corps. Là, tu t'es fait défoncer une fenêtre, entre guillemets. Là. Ben, c'est ça. C'est comme un cambriolage. Tu l'as dit. Ben, fait que ça fait. T'as un genre de deuil, puis d'accept. T'as carrément un genre de deuil à vivre par rapport à ça. Puis le fait d'être capable d'en parler, ben, il y en a que c'est ça la dernière affaire. Ça fait partie du processus pour être capable de recommencer avec ça. Tu sais, le témoignage que je parlais de Reese Witherspoon. Elle disait que justement, elle s'est jamais sentie moins seule que présentement à Hollywood. Mm-hmm. Ben, c'est parce que toutes ces années-là, ça la suivait. C'est probablement quelqu'un qui se promenait, puis il doit y avoir des tonnes de ces personnes-là comme ça à Hollywood. C'est un effet d'entraînement et de société. C'est sûr, se promène clairement avec une boule dans l'estomac à longueur de journée. Qui vivent dans une espèce de crainte permanente de ça va-tu me réarriver. Il y a sûrement des actrices ou des acteurs qui ont changé de domaine parce qu'ils ne veulent pas avoir à vivre ça. Non, c'est ça. Il y en a, tu sais, des fois, une fois de temps à autre, tu sais, les listes, là, style BuzzFeed, puis tout, tu sais, il y a des listes là, des acteurs des années 90 qu'on n'a pas revus depuis, puis, tu sais, ils disent, ah, ben, c'est surprenant, cette personne avait du succès dans tel film, puis finalement, a lâché ça, puis s'est mis à vendre des autos, tu sais, des affaires de même. Comme, mais des fois, c'est parce études. Que. Tu sais, ils disent pas, mais des fois, c'est peut-être des affaires comme ça, en fait, tu sais, qu'il était juste plus capable de cet univers-là, puis. Le casting couch qu'on appelle en ce moment, tout le monde parle de ce casting couch, le divan d'Harvey Weinstein, où s'est passé bien des choses. Puis on parle d'Harvey Weinstein, que c'était vraiment, bon, lui, c'était un peu comme ses fantasmes qu'il essayait de réaliser tout le temps. Son frère a fait une sortie pour dire à quel point est-ce qu'il était, tu sais, que son le fameux frère là, qui est maintenant rendu le boss de Weinstein Company, qui disait lui-même qu'il avait rien c'était absolument inexcusable de la part de son frère, puis il dit... ça me perturbe à quel point il n'y a aucun remords. Puis il disait que son frère est une personne vide, puis evil, effrayant, là, puis c'est son frère, là, il a grandi avec, là, puis tout, là. Ben, il a peut-être vu des choses dans sa vie. C'est jeunesse, ça, justement, là, tu sais. Il était peut-être pas très proche. Quoi qu'en même temps, comment tu peux ne pas être proche et être dans la même compagnie? C'est que ce qu'il disait, en fait, c'est que oui, ils ont parti accompagner ensemble pour un paquet de raisons, mais c'est que Harvey Weinstein était à New York, puis tandis que le frère, lui, ben lui, il était à Hollywood. Lui, il était dans les bureaux d'Hollywood. Il s'occupait vraiment plus du côté plus administratif, tandis que Weinstein, ben, c'était la figure de proue. Puis c'était, je dis Weinstein, Harvey Weinstein, c'était la figure de proue. C'était celui que le monde allait voir. C'était lui qui fallait que tu impressionnes si tu le rentrais dans la compagnie, et ainsi de suite. Il allait chercher les nouveaux talents, justement. Ouais. C'est ça. Ça pour dire que, pour revenir un peu là, dans le fil que je voulais suivre, on a vu le hashtag MeToo, ça a permis à beaucoup de monde, même si c'était pas par rapport à Hollywood, on s'entend, là, présentement sur notre Facebook, on connaît un paquet de monde qui ont écrit En fait, c'est presque juste ça en ce moment. J'ai un bon ami qui m'a dit que sa copine a passé une soirée à écrire un MeToo, puis finalement, elle a même pas été capable de publier, parce que, tu sais, puis elle a passé la soirée à pleurer, puis tout. Tu sais, c'est quelque chose que... Puis, tu sais, je pense que c'est une preuve qu'il y a quelque chose de cathartique là-dedans. Oui. Ça te défoule. Donc, moi, c'est ça que je disais, c'est que même si ça règle pas le problème systémique à Hollywood, je pense pas que ça va le régler, parce que le problème systémique, ça se règle pas du jour au lendemain comme ça. Bon, ça l'a peut-être fait un peu avancer les affaires, mais en même temps, c'était des choses qui étaient connues. C'était un omerta, là. C'est pas pareil comme quelque chose que... Ben, c'est juste qu'on n'a pas conscience... C'est pas comme Eric Salvaille, mettons. Non, c'est ça. C'est comme une surprise, à matin. C'est ça. Mais en même temps, je veux dire, tu sais, ce qui se passe à Hollywood, oui, Hollywood, c'est un monde plus grand que nature, et ainsi de suite, mais ça reste que le milieu des médias au Québec, ben c'est quand même un mini-micro Hollywood. Puis Sophie Préjean en parlait, c'est ça, un petit peu plus tôt cette semaine. C'est sûr, vous ne viendrez pas me faire à croire qu'au Québec, on n'a pas des producteurs. Je veux dire, on a eu nos histoires, là. un certain Cloutier que je nommerai pas. C'est ça. C'est ça. Donc, tu sais, c'est des affaires comme ça. Puis, tu sais, juste pour dire, ce que Jennifer Lawrence a discuté, c'était même pas de s'être fait agresser. Ben, oui, il y a une partie que c'était se faire agresser, puis elle, c'était plus verbalement, en fait. Mm-hmm. Mais, tu sais, le genre d'affaires que tu te fais dire, puis que tu te fais. Mais c'est qu'elle, ce qu'elle avait raconté, c'était que pendant, quand elle était en train de se faire recruter par une compagnie de production, c'était, puis elle dit c'était une femme qui a fait ça. Ah oui. Elle les a fait, ils ont fait, dans le fond, ils ont pris 5 actrices, ils ont mis, ils leur ont fait faire un photoshoot nu, ce qui leur permettait de cacher les parties intimes, mais ils étaient nus, là. Il n'y avait pas de linge sur eux autres. Ça leur permettait de se cacher les bouts importants. Seulement, puis déjà là, c'était humiliant au bout, puis ce qu'ils ont fait, c'est que Jennifer Lawrence, on le sait, elle, depuis qu'elle est connue, a dit que, ben, elle, oui, OK, elle est quand même mince, elle fait quand même du sport, mais elle veut pas s'empêcher de vivre pour être ultra maigre, puis nanana, puis tout. Mais elle dit, elle s'est faite, bon, premièrement, elle s'est faite fat-shamer cette fois-là, puis tu sais, de ce qu'on comprend, elle était pas bien plus grosse qu'elle est présente. Ben, non, c'est ça. On s'entend. Puis, tu sais, fait que c'est des comportements comme ça aussi, là. C'est de l'agression aussi, là. C'est de faire attaquer dans ton corps quand même, là. Ouais. Puis, tu sais, ce qu'elle avait rapporté, qu'elle s'était fait dire, c'est que l'autre lui avait dit, ben, garde, genre, prends-toi, garde la photo, là, qu'on a pris aujourd'hui, ça va te servir d'inspiration, ça va te motiver à perdre du poids. Ça va être ton avant. Ouais, c'est des affaires comme ça. Bref, donc, je parlais des hashtags MeToo. Moi, il y a une chose que je vais finir là-dessus qui est un petit peu hors sujet, puis non en même temps. Puis il y a une affaire qui m'achale, qui me titille. C'est que dans certains MeToo, j'ai pris la peine d'en lire certains, puis il y en a que, honnêtement, c'est long, puis je me suis dit, tu sais, l'important, c'est que ces personnes-là le fassent. Oui, sortent le méchant. Puis moi, ça m'a surpris juste de voir des personnes, les personnes qui en ont écrit, juste voir qui en a écrit. J'ai fait, oh mon Dieu, mais ça change tellement comme. Tu sais, genre, du monde que mettons, j'avais peut-être une certaine idée que ça a fait, ah, ben, tu sais, je vais peut-être être plus... En tout cas, ouais. Ben, je pense qu'on a à faire plus attention, étant donné qu'on n'est pas des pervers. Non, mais c'est ça, exactement. Je pense que c'est un petit peu une certaine problématique, c'est qu'on y va vraiment très général avec le hashtag MeToo. Ben, tu vois, j'allais en venir à ça. Parce que j'ai vu certains hashtag MeToo vraiment prendre la peine à la fin de dire, mais tu sais, c'est pas tous les gars qui sont comme not ça. Not all men. Ouais, puis toi, c'est... Puis je pense que justement... Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai un petit problème avec ça. Ah, oh, bon. Avec le fait que j'ai marqué que c'est pas tous les gars. Sais-tu pourquoi? Parce que... Il y a personne qui a dit que c'est tous les gars. Là, gardons en tête que je suis moi-même un gars blanc. Ouais, exactement. Bon, en fait, c'est que je me demande si c'est vraiment nécessaire. Pourquoi? Parce que je pense que c'est vraiment un gros cas de si le chapeau te fait, mets-le, mais s'il te fait pas, mets-le pas. Ouais, c'est pour ça aussi que j'ai dit on devrait pas avoir de les remercier d'être des bons gars. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, bon, c'est bon, excuse. Parce que je m'excuse, le pire, c'est que le tien, je l'ai lu. Il y en a tellement que je me rappelle. Oui, c'est ça, exactement. Ça, de toi comme exemple. Ouais, ben pour mettre en contexte, en fait, c'est que j'ai fait le hashtag MeToo, mais en disant parce que apparemment être une femme, ça veut aussi dire vas-y, touche-moi, dis-moi ce que tu veux, puis tout ça. Puis à la fin, j'ai dit à noter ici que les bons hommes de ce monde existent, seulement on devrait pas avoir les remercier d'être des bons gars. Bien dit. Voilà, ben c'est un peu ça mon but en fait. Puis c'est que il y en a un autre en particulier, une autre fille dans mon entourage qui a pas dit ça, qui a vraiment dit, ben, merci au bon gars d'exister, puis, tu sais, vous méritez qu'on vous le dise. Puis je suis comme, non. Ouais, tu mérites pas de te faire dire de ne pas faire quelque chose de hasse. Que t'es pas supposé te faire. Puis je veux dire, j'ai un paquet d'amis gars que je sais que c'est des personnes très correctes dans la vie, puis que je serais très, très, très, tu sais, comme excessivement surpris d'apprendre. Tu sais, je pense que c'est vraiment contre leur valeur, puis tout, de faire des. D'être irrespectueux. Je veux dire, il y en a quelques-uns qui critiquent la notion de féministe, puis tout, mais que, dans le fond, ils le sont, là. Mais qui s'en vont dire ah merci de le dire, tu sais, puis tout, puis c'est comme non, regarde, à un moment donné, tu sais, puis ce qui m'achale, c'est que à un moment donné, va falloir arrêter de constamment se soucier d'éviter, plus parce que j'étais fier de ma phrase, je l'ai écrit. Ah bon. On t'écoute. De constamment se soucier d'éviter le moindre déplaisir aux hommes. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui m'énerve à un moment donné, parce que puis c'est drôle parce que hier soir, tu sais, on écoutait la TV moi puis ma conjointe, puis on écoutait The Mindy Project, en fait. Bon, elle écoutait The Mindy Project, puis moi j'étais là. Ça, il était là. Mais, vous connaissez pas la série The Mindy Project, ben c'est une femme de couleur qui est une. Puis c'est hyper ironique, oh, comme. Ouais, c'est les premières fois qu'elle écoutait ça devant moi, j'étais jamais, voyons donc, elle dit pas ça pour vrai. Oui, mais c'est ironique, là. Ouais. Tu sais, c'est une personne, c'est une femme de couleur, dans le fond, qui est. C'est le Moyen-Orient, un peu. Mm-hmm. Ben, c'est une indienne, ouais. En fait. Puis qui fait une série, dans le fond, ben, c'est qu'à la base, elle se joue un peu, elle joue comme une caricature d'elle-même, ouais. Ben, un genre de fantasme d'elle-même, mettons qu'elle a, parce qu'elle, à la base, c'est une scripteur à Hollywood. C'était, mm-hmm. Elle était dans The Office à l'époque. Ouais. Elle jouait dans The Office, entre autres, mais c'est elle qui écrivait les textes, en fait, de The Office. Les excellents textes. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, dans le fond, dans The Mindy Project, parce que son vrai nom, c'est Mindy Kaling, mais là, dans la série, elle a changé son nom de famille, mais elle a gardé son prénom. Parce que c'est ça, elle joue un genre de fantasme qu'elle a d'elle-même, c'est d'être une espèce de femme de couleur déplaisante qui essaye d'être blanche, en fait. Ouais. Fantasme à être blanche, mettons. Fait que, puis ça donne des affaires un peu étranges, comme à un moment donné, elle dit qu'elle a donné tellement d'argent à la campagne de Donald Trump parce qu'elle refuse que son fils, qui est métisse, dans le fond, qui est à moitié blanc, à moitié... le père de son fils est un Italo-américain. Elle dit qu'elle refuse que son fils vienne au monde dans des États-Unis où c'est interdit d'être blanc, tu sais. Ridicule. Ouais. Ben, tu sais, des choses comme ça. Puis, ça donne que hier soir, on écoutait un épisode, c'est saison 5, épisode 12, qui s'appelle Mindy Lahiri, qui est son faux nom. Mm-hmm. Mindy Lahiri is a white man. Puis, c'est littéralement, c'est un genre de Freaky Friday, parce que elle vit une espèce d'injustice à cause du fait qu'elle est une femme de couleur. Puis, elle se couche le soir en espérant, elle dit « Ah, oh, j'aimerais tellement ça être un white man. » Ça, ma vie serait tellement plus simple. Puis, le reste de l'épisode, c'est elle qui, le lendemain matin, elle se réveille, puis est un homme blanc. Puis là, elle vit la journée dans le corps d'un homme blanc, puis elle se rend compte comment est-ce que tout est fait pour lui plaire et lui éviter le moindre déplaisir, puis tout. Puis cet épisode-là, puis c'est hyper humoristique, mais quand t'es un homme blanc, même si t'es déjà conscientisé de bien des affaires, c'est un coup de poing dans la face. Ben oui, là, clairement. Même si vous aimez pas la série, juste cet épisode-là, il est sur Netflix. Oui, il est sur Netflix. Je pense que oui, oui. Oui, il est sur Netflix. Je suis allé vérifier le numéro de l'épisode sur Netflix avant de m'en venir. Question de l'épisode. Il est sur Netflix, puis saison 5, épisode 12, Mindy Lahiri is a white man, ça vaut la peine de l'écouter, juste... À la limite, ça va vous donner la piqûre, parce que la série est quand même bien faite. C'est sûr que le public cible, c'est quand même assez féminin, mais ça vaut la peine, parce qu'il y a une critique coup de poing là-dedans. Puis présentement, je pense que ça vaut la peine de se le faire dire. Puis elle dit carrément, elle dit « Ah, c'est le fun d'être un homme blanc, tu sais tout. » Et ça, c'est dans la phase au début de l'épisode où ce qui est en, je sais pas comment dire, la phase honeymoon, mettons, qui est comme « C'est donc le fun d'être un homme blanc, ça, tout le monde se met à genoux devant moi, tout le monde rit de mes jokes. » Puis elle dit, tu sais, c'est ça, elle dit toute la culture occidentale est faite pour me rendre confortable et me divertir, tu sais. C'est comme, tu sais, c'est ça pareil à un moment donné, quand tu vois ça. Puis tu sais, bon, dans la série, ben justement, c'est un médecin. Fait que déjà là, ben tu sais, elle est un homme blanc médecin au lieu d'être une femme médecin. Mais là, tu sais, soudainement, là, les infirmières sont toutes parmées devant elle, lui. Tu sais, les infirmières et toutes ces jokes, alors que normalement, sont comme... Oh, t'as encore Dr. Lahiri qui dit niaiserie, des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est plein de choses comme ça que ça fait réfléchir. Puis c'est un peu ça la conclusion que je voulais dire, c'est ça. Tu sais, on devrait pas avoir à dire que, ah oui, mais tu sais, toi, t'es un homme blanc, on va préserver ton petit orgueil. T'sais. Non, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Puis, fait que, tu sais, gênez-vous pas pour blaster l'homme blanc, on l'a trop facile, anyway. Exact. Voilà. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Je pense que tout le monde va blaster Éric Salvain. C'est ça. Clairement, ça a déjà commencé. Ça commence? Ouais. Pour ceux qui n'ont pas suivi, allez vous renseigner. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Sébastien Biertin. Un sujet pertinent, comme toujours. On essaye. Et particulièrement dans l'actualité aujourd'hui. Oui. On aime très d'actualité. Vraiment. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, toujours les mercredis en début d'émission vers les 7h. Ouais, genre. Environ. Merci. Après à tout. C'est ça. Après à tout. Quand on en met une. On n'a pas mis de tout aujourd'hui. Non. Pas pris. On varie. D'habitude, c'est une bonne journée quand t'as pas à mettre une tonne pour que. Ouais, le moins de musique possible dans ce moment. C'est ça, exactement. Sinon, les gens vont partir à écouter leur MP3. Hein? Le podcast. On s'est baillé sur tout le temps, c'est podcast. Bon, Mathieu. Ah, je m'excuse. Faites ta coche. Donc, au retour. En fait, je regarde ça aller. Je regarde ça aller très tranquillement, pas vite. Hein. Et on a le tabon tune. Ah, ben, Moses! Fait qu'on y va, on revient après la pause avec une tune. Ok, okay, c'est bon. On fait ça tantôt. À son âge. Est-ce qu'il me rappelle? Breaking news, j'ai un lien à faire. Lequel? On va l'écouter, L'homme pâle.

c'est la chronique où on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis et pour se changer complètement les idées des histoires de viol et de tout ce qui se passe en ce moment, on parle de jeux vidéo. Mm-hmm. On se lave les oreilles avec ça. Avec 15 avantages. Je veux pas que tu me dises autre chose, on se lave avec les jeux vidéo. Moi, pas dans le dos avec Harvey Weinstein, il n'y a pas ça. 15 avantages à jouer. J'ai dit qu'on arrêtait de parler de ça. Oui. 15 avantages à jouer à des jeux vidéo. Mm-hmm. Facile, c'est difficile des fois. Des fois, les jeux vidéo sont ambitieux. Des fois, ils ont même quasiment un film à l'intérieur. Ça a beaucoup changé depuis les années 70. Et il y a beaucoup d'avantages à jouer, autre que seulement se divertir et d'améliorer, bon, on sait déjà, un petit peu la coordination entre les mains et les yeux. Oui, en effet. Spatio-temporel. Donc, bref, on commence par le fait que ça produit de meilleurs chirurgiens. Ah, OK. Ouais, donc tu penses que ton chirurgien local devrait lire de la recherche médicale à la place de jouer à des jeux vidéo, mais non, une étude sur les spécialistes laparoscopiques, donc ça, c'est les petites incisions, mm-hmm. Ça nous apprend que ceux qui ont joué plus que 3 heures de jeux vidéo par semaine faisaient 32% moins d'erreurs pendant les procédures comparées à ceux qui ne jouaient pas. Bon. Pas pire, ça. Ensuite, ça pourrait aider aux gens à passer par-dessus la dyslexie. OK. Ouais, les études pointent donc au déficit d'attention comme une composante clé de la dyslexie. On en connaît tous. Une étude montre que les dyslexiques améliorent leur compréhension de la lecture après une session de jeux vidéo lourde d'action, donc avec beaucoup de choses qui se passent dedans. La raison, selon les chercheurs, c'est que les jeux ont des environnements constamment changeants, donc ça demande un focus intense. Pourquoi est-ce que j'ai pris une pastille avant cette connexion? Je sais pas. Permets-moi de croquer ma pastille. Ben oui, vas-y. Ça pourrait augmenter ta vision. Ah ouais? Tu sais, on dit des fois de ne pas s'asseoir trop près de la télé. Oui, tout à fait. C'est un commentaire qu'on entend souvent. Les scientifiques ont découvert, en fait, que les jeux vidéo avec modération, ça pourrait augmenter, améliorer ta vision. Ah ouais? Ouais, dans une étude, 10 semaines de jeux vidéo étaient associées avec une meilleure habileté à faire la différence entre différentes nuances de gris. Et d'autres participants essayaient de jouer à des jeux vidéo seulement avec leur œil paresseux, quand un œil croche, et le bon œil était caché. Ces joueurs-là ont eu donc une amélioration évidente dans l'œil affecté. Très cool. Ben, je savais pas ça. Ben non, hein. Tu pourrais avoir une meilleure carrière grâce aux jeux vidéo. Certains types de jeux vont t'encourager les traits de leadership. C'est ça, les chercheurs... Comme Grand Theft Auto, quoi. Les chercheurs notent que les joueurs peuvent avoir une motivation dans leur vraie vie s'ils ont une motivation dans les jeux vidéo. Donc, s'améliorer dans un jeu et improviser dans un jeu, ça peut faire que tu vas devenir meilleur et plus rapide sur tes patins au bureau quand il va y avoir une crise, étant donné que tu es capable de gérer les trucs alors qu'elles arrivent comme dans un jeu vidéo. Mm-hmm. Les joueurs peuvent devenir plus fascinés par l'histoire. Plusieurs jeux ont des événements historiques, bien sûr, dans leur histoire, même si certains vont créer des histoires. Il y a des jeux vidéo qui sont basés sur des guerres qui n'existent pas, donc apprenez pas trop là-dessus, ça sert à rien. Mais ces personnages-là, ces endroits peuvent amener un certain intérêt chez les enfants à découvrir plus de choses sur la culture dans laquelle ils jouent en ce moment, donc selon les chercheurs. Les parents peuvent acheter des livres, des cartes, des ressources comme ça pour qui sont connectées à ces jeux vidéo-là. Et les enfants vont avoir plus envie d'apprendre et ça pourrait mener à une appréciation pendant toute leur vie par rapport à l'histoire. Une bonne chose. Ah, c'est bon ça. Ça rend les enfants un petit peu plus aptes à jouer physiquement, à faire des choses physiques. Donc certains jeux ont de l'interactivité, que ce soit tenir sa manette, mais sinon ça peut être se lever debout sur une planche comme la Wii Fit, peu importe. Ok, oui, la Wii Fit. Ouais. Oui. Donc les jeux vidéo qui contiennent du basketball, du tennis ou même du skateboarding, ça peut mener aux enfants à pratiquer ces mêmes choses-là à l'extérieur. Tu peux faire du skateboard sur Wii? Je crois que oui. J'imagine que je serais meilleur sur la Wii que sur une vraie pente. Tu planterais autant, mais ça ferait pas autant mal. C'est ça. Ça pourrait ralentir le processus du vieillissement. Ouh. Les jeux de cerveau, en fait. On va commencer à jouer tout de suite. Hey boy. Les jeux qui entraînent le cerveau, par exemple, résoudre des problèmes, les jeux de mémoire, les puzzles, etc., ça a des avantages positifs. Mais ça, c'est un peu redondant, les avantages positifs. Ouais. Sur les plus vieux joueurs, donc dans une étude, 10 heures de jeu, ça menait à un fonctionnement cognitif amélioré chez les participants de 50 ans et plus, oui. Et l'amélioration durait pendant plusieurs années. Donc, commencez maintenant. Toujours dans les faits intéressants sur les avantages des jeux vidéo, ça peut calmer la douleur. On essaie souvent de se distraire de la douleur en portant attention à autre chose. Ouais. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle les jeux sont bons après une blessure. C'est que jouer, en fait, ça peut produire un analgésique, donc un antidouleur dans notre système. Et plus le jeu est immersif, mieux c'est. C'est pour ça que les jeux de réalité virtuelle pourraient un jour être aussi populaires dans les hôpitaux que les petites bouteilles de Purell. Oh! Tu vas faire de nouvelles connexions sociales. Oui, quand tu joues en ligne, j'imagine. Oui, exactement. Les gamers, les joueurs sont souvent stigmatisés ou encore sont trop, isolés, ermites un peu des fois. Mais le contraire peut aussi être vrai. Avec les expériences multijoueurs en ligne, ça nous a amené une nouvelle forme de socialisation depuis les dernières décennies. Les études nous apprennent que les jeux vidéo peuvent aussi être catalystes pour que les amis se rassemblent entre eux dans la vraie vie, en personne. Environ 70% de tous les joueurs jouent avec des amis au moins un peu une fois de temps en temps. Là, après ça, faut que tu te poses la question, est-ce que ce sont de vrais amis? S'ils viennent juste pour tes jeux vidéo parce que t'as une Switch. Exactement. Ça pourrait améliorer, en fait, l'équilibre chez ceux qui souffrent. Chez ceux qui souffrent? C'est mon Sean Connery qui sort. ceux qui souffrent de sclérose en plaques. Oh, hey, je savais pas ça. Multiple sclerosis. Donc, c'est un désordre qui affecte plusieurs nerfs. Les patients qui sont atteints de sclérose en plaques, souvent, ont de la difficulté avec leur équilibre et aucune médication peut aider en ce moment. Par contre, une étude nous apprend que les patients du MS, ou la SC en français, c'est ça? Qui jouent à des jeux qui ont besoin d'interactivité physique, donc étant debout sur une planche, un peu comme la Wii Fit, encore une fois, montrer une certaine amélioration avec le temps. Toujours dans les avantages de jouer à des jeux vidéo, tu vas faire de meilleures décisions, prendre de meilleures décisions. On connaît tous quelqu'un, qui est tout le temps avec en train d'avoir des meilleurs réflexes que les autres, hein? De nouvelles informations sont tout le temps affichées pendant les jeux et donc les joueurs doivent s'adapter très rapidement. Dans une étude, les joueurs qui étaient en immersion dans un jeu très rapide étaient 25% plus rapides en réaction à des questions au sujet d'une image qu'ils avaient vue que comparé à des joueurs déjà qui ne jouaient pas à des jeux vidéo. Donc les réflexes sont améliorés. Ensuite, ça pourrait t'empêcher de trop manger. OK. Tu connais des parce joueurs... Parce que t'oublies de manger. C'est ça, qui jouent pas ou qui ont juste leur Cheetos et leur Mountain Dew. Les joueurs qui sont préoccupés par l'indulgence, donc trop manger, trop fumer, trop boire, pourraient peut-être prendre une télécommande à la place d'une manette de jeux vidéo. Une étude dans une université nous révèle qu'il y a une réduction de 24% dans le désir de toucher, de prendre ce vice-là de leur choix, là, après avoir joué à un jeu comme un puzzle. Donc 24% moins de chances d'être tenté d'aller voir ta cigarette ou peu importe. Ta porn. Ça réduit le stress. Oui. Les jeux vidéo. Ouais. Oui, certains jeux, en fait, réduisent le stress. Particulièrement lorsque tu vois ton personnage frapper pour la millième fois. Ça, c'est stressant. Ça amène du stress. Le contraire peut être vrai aussi. Donc, une étude récente a surveillé des joueurs pendant 6 mois et a mesuré leur battement cardiaque. Et on nous apprend donc que certains titres réduisaient l'adrénaline par environ 50%. Donc, les jeux vidéo comme ça peuvent réduire le stress. Évidemment, c'est ça. Les jeux où tu meurs tout le temps puis il faut que tu fasses le tableau 1000 fois, ça, c'est un peu stressant. Moi, j'arrête assez vite après ça. Je suis pas là pour moi, stresser. Moi, je pogne les nerfs. C'est ça. Je garoche la manette. Faut que ce soit le fun aussi jouer. Tu sais, j'aime avoir un petit défi, tu sais. Un petit 5 fois, mettons. Des fois, je me dis que je suis pas assez patiente. Il y a ça aussi. Les gamers ont peut-être moins de chances d'être intimidateurs. C'est normal, ils sortent pas. Wow. Donc, c'est controversé, mais certains chercheurs disent que les jeux d'action peuvent réduire la motivation d'un intimidateur, donc d'un bully. L'étude demandait aux joueurs de prendre le rôle d'un héros ou d'un vilain, et ça nous montre en fait que ceux qui contrôlaient le comportement du méchant avaient un meilleur... avaient plus de remords, par rapport à leurs actions. Donc, peut-être que ça va t'empêcher de faire la même chose dans la vraie vie. Et ça peut aider pour l'autisme. OK. Les jeux vidéo utilisant des systèmes qui incorporent le corps au complet pour contrôler le mouvement à l'écran, ça montre, oui, que t'es plus engagé. Oui. Tu célèbres plus la victoire avec tes pairs, ce qui va donc aider par rapport aux problèmes de communication chez les autistes. L'étude nous apprend aussi que partager un espace avec plusieurs joueurs peut mener à plus d'interactivité sociale pour ceux qui ont ce désordre d'autisme. Donc, ce sont les avantages de jouer aux jeux vidéo. Voilà. On continue encore, on a quelques instants. Allons-y, faits qui vont changer ta vie, Tania, sur le Super Nintendo. Oh, ce Super Nintendo. Je m'ennuie du Super Nintendo. C'est clairement la meilleure console. Et pas juste parce qu'on était cette époque-là. Tu pouvais tirer des canons. C'était plus sur Nintendo. Ah, mais c'est pas ça. Ouais, ben, il y avait une version avec. Ouais, merci. Moins populaire, quand même. Mais bon. Donc, tu tirais des canons pareil. C'est vrai. Donc, après avoir dominé le domaine des jeux vidéo pendant les années 80 avec la NES, bien sûr, Nintendo devait commencer une nouvelle décennie avec une console plus avancée qui allait réinventer nos jeux préférés et amener de nouvelles franchises. En novembre 1990, les gamers du Japon ont pu mettre la main sur la plus récente merveille du Japon, donc la Super Famicom. Au mois d'août suivant, c'est sorti en Amérique du Nord sous le nom de Super Nintendo. Donc, on parle de 1991, une méchante attente entre les deux, hein. Ça a été un succès instantané, la troisième console la plus vendue chez Nintendo, ne comptant pas les consoles portable avec l'aide donc d'une bibliothèque de jeux assez impressionnante, dont Super Mario World, Legend of Zelda, Link to the Past, Super Metroid et Donkey Kong Country, bien sûr. Donc, la compagnie, bien sûr, sortait récemment la Super NES Classic Edition le 29 septembre dernier. Donc, Metroflash.com a trouvé ça pertinent de nous sortir une liste de faits et c'est une bonne idée. Ils sont arrivés un petit peu en retard dans les consoles 16 bits. 16 bits. Pas bits. La Super Nintendo a gagné la guerre des consoles 16 bits. Le système, par contre, a pris du temps avant d'arriver sur le terrain. C'était à l'été de 1989 où la Sega Genesis est sortie. Et pendant 2 ans, c'était la Sega qui était donc qui avait tout le domaine des jeux vidéo 16 bits pour eux. 16 bits étant le double de 8 bits de la console précédente. Bref, Nintendo était vraiment pas pressé. La NES se vendait toujours super bien en Amérique du Nord, donc l'idée de la Super Nintendo était pas la première priorité. Donc la dominance a commencé à descendre un petit peu chez Sega. La dominance de Nintendo a commencé à descendre, surtout lorsque Sega a sorti Sonic en 1991. Lorsque la guerre des consoles s'est terminée, la Super Nintendo avait vendu 49 millions d'unités, point 1, à travers la planète, comparé au Sega Genesis avec 29 millions. Même si c'est un système impressionnant, il s'est vendu quand même beaucoup moins que son prédécesseur, le NES, qui s'est vendu à 61 millions d'unités, oui. Ses deux successeurs, la Nintendo 64 et le GameCube, se sont vendus beaucoup moins que la Super Nintendo. Seulement la Wii a pu un petit peu rattraper et dominer la génération de consoles de jeux vidéo à cette époque-là, à environ 101 millions vendus. Incroyable. Le modèle nord-américain était fait pour avoir un petit peu plus de lourdeur que le modèle japonais. Ah ouais? Ouais, le modèle Super Nintendo, en fait, bon, est vraiment pas joli. T'as déjà vu la console grise avec des boutons mauves. Et hot, mais t'as pas vu le système de la Super Nintendo au Japon ou en Europe? Non. Qui est vraiment plus joli, avec des boutons beaucoup plus colorés, un gris, que je trouve plus plaisant la forme de la console. T'sais. Ah, OK. Bref, si tu tapes un Super Famicom, tu vas voir des belles petites photos. Mais bref, la console, c'est pas la chose la plus importante. L'important, c'est les jeux. Ah non, c'est pas grave que la Super Nintendo ait des boutons mauves. Mais non. C'est pas grave. Mais on dit qu'elle est robuste. Robuste, ouais, c'est ça. Peut-être plus faite pour être échappée par terre par les Nord-Américains, ça. Mais oui, clairement, ils ont dû y penser. Bonne façon de dire. Bref, on a beaucoup pensé au gris et au mauve. On nous dit chez Nintendo of America, le designer des produits Lance Barr devait fabriquer le modèle de la Super NES pour le public nord-américain. Il avait une vision. Après avoir vu la Super Famicom, donc super colorée, vraiment jolie, il a dit que ça devrait ressembler. Ça ressemblait à des sacs de pain quand on les empilait. OK. Et c'était pas assez, j'imagine que c'était pas assez cubique ou rectangulaire. Donc ça a mené à un système qui était vraiment plus comme une boîte aux États-Unis. Des coins très, très coupants, tu sais, vraiment carrés. Et un design plus utilitaire. Il y a eu un redesign, par contre, de la Super NES, vraiment beaucoup moins connu, beaucoup plus difficile à se procurer sur le marché, qui est sorti vers la fin de la Super Nintendo. Tu sais, quand Nintendo a discontinué un produit, ils sortent une version refaite un petit peu différente. PlayStation, Sony fait la même chose, Microsoft aussi. Donc, la version Super NES, je pense qu'il l'appelait Super Nintendo 2, était vraiment beaucoup plus jolie, mais quand même très, très grisonnante. Ouais, c'est ça. Il y avait seulement 3 jeux disponibles au lancement de la Super Nintendo. Les lancements d'aujourd'hui sont toujours une grosse affaire. Les magasins partout sur la planète ouvrent à minuit. Oui, hein? Les gens sont aux portes, ça n'arrête pas, ils veulent se procurer ça. Mais bref, en 2017, la Nintendo Switch est lancée avec 12 jeux. En 2013, la PlayStation 4 et la Xbox One ont chacun été lancés avec 20 jeux le premier jour. Mais on parle de la Super Nintendo dans ce cas-ci. Lorsqu'ils sont en fait arrivés au Japon en novembre 90, le système avait seulement 3 jeux, F-Zero, Pilot Wings et Super Mario World. En fait, Super Mario World venait avec le système. Plus de jeux ont suivi après ça et les gamers américains ont eu une sélection similaire lors du lancement du système en août 91 avec Gradius 3, SimCity qui était aussi ajouté à la liste, donc ça fait 5 jeux. Quelques années plus tard, la Nintendo 64 était encore pire avec seulement Super Mario 64 et Pilot Wings 64. Mm-hmm. Donc tu te rappelles le même jeu que Super Nintendo au Japon, Pilot Wings. Mm-hmm. Ensuite, Super Mario World est le jeu le plus vendu sur la Super Nintendo. C'est sûr. Pas le choix, hein? J'en doute même pas. Aucun doute. En 1985, sur la NES, Super Mario Brothers était, bon, bien sûr, destiné comme choisi comme étant la mascotte de Nintendo par défaut, pas mal. Super Mario World sur la Super Nintendo l'a rendu un petit peu plus populaire encore, donc il est devenu plus une mascotte pour le domaine des jeux vidéo en général et non pas juste pour la console. Ça a été lancé le même jour que la console, comme on l'a dit tantôt, et c'était un titre qui venait avec la console, donc c'est devenu le jeu le plus vendu par défaut, encore une fois, parce que ça venait, pareil comme Mario Bros sur la NES qui venait avec, c'est, par défaut, ça devient le jeu le plus vendu. clairement. Si t'achètes la console, t'achètes ça? Ben, c'est ça. Plus de 20 millions d'unités vendues pour le jeu, qui est pour le jeu suivant, oui, qui a été le prochain meilleur vendeur, Super Mario All-Stars, d'environ 10 millions de... Attends un petit peu. Ouais, c'est ça, là. OK. Je m'excuse. Super Mario All-Stars a seulement eu 10 000 copies, donc il y a eu 20 millions de copies de plus de Super Mario World. Wow, d'accord. Voilà. Suivi par Donkey Kong Country en 3e place avec 9 millions et plus. Super Mario Kart en 4e avec 8,5. Et Street Fighter 2, The World Warrior en 5e avec environ 6,3 millions d'unités vendues. Oh my God, Street Fighter 2, là. C'est-tu l'affaire où les bonhommes étaient en jaune, puis... Ben, il y avait des bonhommes en jaune, ouais. Je cherche. Il y avait des bonhommes en jaune. Oh mon Dieu, je sais c'est quoi. C'est quand même cool comme jeu. Ouais. Jeu de combat, là. Ouais, c'est ça. De rue. D'où et le c'est nom. Ça, exactement. Et c'était le deuxième, je te gage. Dis non. Mais pourtant, il n'y a pas de 1. Oui. Il y a un 1? Ouais. Bref. Il y avait un système modem satellite au Japon. Donc, pour chaque succès de Nintendo, il y a toujours un échec en quelque part, que ce soit le Virtual Boy, le Power Glove, ROB, le robot. Mais le plus intéressant, c'était peut-être le Satellaview. Sorti seulement au Japon, c'était un ajout qui interagissait avec un satellite de la compagnie Saint Giga. Où Nintendo avait donc acheté une part de leur entreprise. L'idée, en fait, était un peu comme le jeu vidéo en ligne et le contenu téléchargeable, mais vraiment à l'avance. Donc, le Satellaview était utilisé en conjonction avec le port d'expansion de la Super Famicom en dessous du système. C'était similaire à la technologie de télésatellite à l'époque. Donc, le périphérique permettait aux joueurs de mettre la cartouche BSX pour Broadcast Satellaview X dans leur machine. Ce qui agissait comme un centre, un hub, si on veut. À partir de là, on pouvait télécharger des jeux exclusifs qui sortaient une fois de temps en temps. Mais non. Ouais, des magazines, des trucs comme ça. On sauvegardait ça sur la mémoire de la machine jusqu'à la prochaine vague de contenu qui réécrivait par-dessus. Donc, il fallait en profiter pendant que c'était disponible. Il y avait quelques problèmes, par contre, on pouvait seulement télécharger ces jeux-là pendant certaines périodes de la journée parce que 5 gigas passait le reste de la journée à utiliser son satellite pour la radio et la télé. Donc, si tu manquais la fenêtre de temps, tu manquais ta chance de jouer à un jeu en général. Ah, c'est triste. C'est fou, hein? Le prix de l'équipement était super cher, le prix de l'abonnement aussi. Donc, c'est devenu un échec et ça n'a pas vraiment été populaire. Ah. Donc, on l'a pas sorti aux États-Unis ou en Amérique. La console, tu sais, Tania, t'en as déjà vu les Super Nintendo récemment, peut-être. Elles sont tout le temps jaunes. Ouais. Ouais. C'est pas juste toi, c'est pas juste les gens que tu connais. Tout le monde a une Super Nintendo qui devient jaune avec le temps. C'est pas dangereux, c'est pas un signe non plus que la console va mourir bientôt. En fait, c'est un problème causé par le choix de plastique de la compagnie. Ah ouais? Oui, dans un article de Vintage Computing, l'auteur Benj Edwards a interviewé le docteur Rudolph D. Deanin du Plastics Engineering Program à la University of Massachusetts pour clarifier ça. Les plastiques étaient le plus souvent utilisés pour fabriquer le boîtier d'équipement électronique. C'est du polypropylène, du Impact Styrene ou de l'ABS qui ont tendance, les trois, à se décolorer graduellement lorsqu'exposés à la lumière UV ou à la chaleur. C'est de l'oxydation et ça développe une désaturation, ce qui produit de la couleur. Bref, ça se dégrade à cause de ça. Alors, on a aussi sorti un vieux, chez Vintage Computing, une vieille réponse, ça, c'est la clientèle de Nintendo par rapport au jaunissement. Ils ont expliqué que c'était à cause de l'utilisation de plastique avec des produits chimiques qui retardent le feu. Donc, si du plastique, ça peut prendre en feu. Donc, celui-là, comme un flame retardant, là. Un truc qui empêche de prendre en feu. Donc, c'est un vieux Super Nintendo qui est tout... que la jaunisse, ben, c'est pas parce que t'es pas propre. C'est le processus du vieillissement. Ensuite, la FX chip, la petite puce FX qui a amené les jeux vidéo 3D à la console Super Nintendo. Les jeux vidéo commençaient à faire du 3D à ce moment-là. Nintendo s'est inscrit, a signé quelque chose avec une compagnie basée en Grande-Bretagne, Argonaut Games, pour créer une nouvelle puce qu'on installait directement sur les cartouches. Et puis, ça augmentait le pouvoir, la puissance graphique. Et ça rendait possible des choses comme la rotation, le mapping de texture et des effets de luminosité pour que le jeu ait l'air plus sophistiqué. Ça s'appelle donc la Super FX Chip. On l'a appelé Mario FX pendant son développement. Et cette puce-là ne forçait pas les gamers à acheter une nouvelle console ou même un ajout comme Sega l'a fait avec sa 32X. À la place, la puce était directement dans le jeu, voulant dire que t'avais pas à savoir grand-chose de plus que juste acheter un jeu qui avait ça dessus. Ça leur empêchait pas de l'écrire sur la cassette, là. Ils l'ont fait pour Star Fox, pour Yoshi's Island, il me semble. Donc, la puce qui a été utilisée seulement dans une petite poignée de jeux pendant le restant de la vie de la Super Nintendo. Quelques-uns sont quand même considérés comme parmi les meilleurs, dont Star Fox en 93, Super Mario World 2, Yoshi's Island en 95, qui elle utilisait la Super FX 2, donc une version encore plus améliorée. Pour des raisons qui sont pas trop claires, nous dit Metal Floss, par le fait que c'est une décision très très Nintendo. Aucun jeu de Super FX sont sortis sur la console virtuelle de Nintendo jusqu'à maintenant. Par contre, ils vont voir leur première sortie après l'original sur la Super Nintendo Classic Edition. Ah oh, ouais. Yoshi's Island, à l'origine, a été refusé. Mais non. Super bon jeu, ça. Évidemment, Donkey Kong Country, on sait, a changé le domaine des jeux vidéo avec son 3D en 94. Ça utilisait des graphiques pré-rendus, donc c'était pas de la 3D, c'était comme comment dire, poussé en dehors. Je sais même pas comment l'expliquer, pre-rendered. C'était pré-rendu. On va le dire comme ça, j'ai oublié comment l'expliquer, mais bon, c'était pas de la 3D live pendant que le jeu jouait. Non, c'est ça. Bon. Bref, c'était une révélation à l'époque, et son look unique, Nintendo voulait capitaliser là-dessus. C'est pour ça qu'ils ont sorti. C'est venu presque aux dépens, d'un des jeux les plus populaires sur la Super Nintendo, Yoshi's Island. Lorsque le producteur de Yoshi's Island et le créateur de Mario, Shigeru Miyamoto, a révélé le jeu à la compagnie, ses dessins un petit peu cartoon ont été rejetés par le département du marketing. Okay. Il y avait quelque chose qui ressemblait plus à Donkey Kong et non pas ce que Miyamoto avait fabriqué avec vraiment des dessins au crayon gras. Ah oh, ouais, je sais pas. Miyamoto a mis son pied à terre. Hein? Il a un petit peu changé les effets visuels de Yoshi's Island pour que ce soit encore plus coloré et encore plus exagéré. Ils ont dit genre, il a dit faites-moi confiance. Donc des illustrations un peu comme on trouve dans un livre d'histoire, complètement pas 3D comme on le pense, mais avec des effets 3D comme des trucs qui tournent ensemble un par-dessus l'autre. Donc le deuxième pitch a été accepté, ce qui a mené à un des jeux les plus qui ont eu le plus de succès sur la console, environ 4 millions d'unités vendues. Il nous en reste deux, donc on va continuer avec une Super Nintendo, un ajout abandonné de la Super Nintendo qui a créé par inadvertance la Sony PlayStation. Lorsque un chercheur chez Sony, Ken Kutaragi, a commencé à porter attention à la Famicom, donc ça c'est la Nintendo originale de sa fille, donc la NES, il était déçu, tellement par les jeux qu'il a joué, il était tellement déçu, il trouvait que le design sonore était pas très bon, donc ça l'a amené chez ses patrons pour essayer de les convaincre de signer quelque chose avec Nintendo, on se rappelle qu'il travaillait chez Sony, ben oui, pour améliorer les puces sonores dans leur future Super Nintendo, qui était, attends un petit peu. Ouais, c'est ça, ok. Ils voulaient que Sony signe avec Nintendo pour améliorer leur son sur les cassettes de Super Nintendo. Ah ouais, parce que c'était pas super, hein? C'est ça, ils travaillaient chez Sony, il n'y avait pas de Sony PlayStation à l'époque, bien sûr. Donc finalement, ça a été plus que ça, hein. Sony et Nintendo ont signé ensemble pour faire un ajout à la Super Nintendo avec des CD-ROM. Donc Sony allait produire une unité avec l'appareil CD et une fente de cartouche pour la Super Nintendo dans la même machine. Ça s'appelait la Play Espace Station. Oh. Sony a annoncé l'appareil au Consumer Electronics Show en 1991. C'est la première fois que le public en a entendu parler. Pendant le CES, Nintendo a aussi annoncé qu'ils avaient signé avec Philips pour collaborer sur l'appareil multimédia CDI, mais dans le dos de Sony. Et on dit que Nintendo a vraiment... c'est ça, il s'entendait pas avec Sony par rapport au contrôle et au profit des disques qu'il allait engendrer. Philips avait plus de sens financièrement pour la compagnie, donc Sony et Nintendo se sont séparés. Zelda et Mario sont sortis finalement sur la CDI. Après l'annonce en public de cette nouvelle entente et la trahison par Nintendo, Kutaragi et le président de Sony, Norio Oga, se sentaient humiliés. Sony ne voulait pas entrer dans les jeux vidéo au départ, mais lorsque Kutaragi a suggéré que la compagnie sorte son propre système, Oga a accepté. Ça a amené donc un changement radical dans le domaine des jeux vidéo avec donc la PlayStation de Sony et une ligne de jeux de CDI qui ont vraiment pas été des succès. Probablement que Nintendo s'en mord un petit peu les doigts par rapport à CDI et PlayStation. Parce que c'était pas une excellente console du tout. Si vous voulez voir de quoi ça avait l'air, la Nintendo PlayStation, le prototype, il a été découvert par l'émission sur YouTube de Ben Eck Show. Donc allez voir ça, c'est sur assemblagerequis.com. Et pour terminer, pour ceux qui ont vu passer la Super NES Mini et qui ont peut-être eu la chance de la précommander et se faire retirer leur commande comme moi parce qu'il y avait trop de copies vendues. Pour vrai, j'étais là à la minute près de la sortie de la Super Nintendo Mini Classic Edition. J'ai pesé sur buy, l'achat a passé, ma carte de crédit a été chargée et le lendemain, j'ai reçu un courriel disant « Ben, on pense pas pouvoir l'envoyer, on va vous réécrire et si dans 3 jours, on n'a pas de stock, on va annuler votre commande. » 3 jours plus tard, ils ont annulé ma commande, je me suis fait rembourser le 100$. C'est dommage triste. C'est poche. J'ai un ami qui a réussi à l'acheter. Chanceux, c'était à 9h du matin, il me semble, qu'il fallait commander ça, mais j'avais vraiment le doigt sur le bouton. Bref, ça pour dire. Star Fox 2, justement, est en exclusivité sur cette console-là. Il n'est jamais sorti en Amérique du Nord, mais il est sur la Super NES Mini. Okay. Star Fox 2 a été annulé, même si le jeu était presque complet. Le jeu à l'origine, Star Fox 1, était un énorme succès sur la Super Nintendo en 93, offrant des environnements 3D, comme on l'a dit tantôt. C'était impossible à ce moment-là, donc une suite devait arriver. C'était supposé sortir en 95. Par contre, le jeu n'a jamais vu la lumière du jour. Il a été annulé par Nintendo, même s'il était à 95% terminé par l'équipe de développement. C'était à l'été 95 et PlayStation et Saturn étaient soudainement des succès au Japon, nous dit-on. Donc ça a pris Nintendo par surprise et la décision a été prise parce qu'il ne voulait pas que la génération, la 3D d'ancienne génération ait à se battre contre les nouveaux graphismes 3D de la nouvelle génération PlayStation et Saturn, qui étaient beaucoup, bien sûr, plus évolués que le 3D sur la Super Nintendo. Le jeu était très, très avancé, comme on dit, 95% environ, mais ça pouvait pas compétitionner avec les jeux plus avancés sur le marché. Par contre, plusieurs idées de Star Fox 2 ont éventuellement été utilisées dans le jeu Star Fox 64 en 97. Après des années d'émulation, Star Fox 2 est enfin sorti, comme on disait, sur la Super NES Classic Edition. Vous pouvez aller voir l'extrait, les 7 premières minutes de Star Fox 2 sur, encore une fois, assemblagerequis.com. Voilà, c'est tout pour une édition très, très geek de Son Foutu Palmarès. Oui, mais très intéressant. Mais merci beaucoup. On prend une pause et au retour... Ah, Colin, Alex Marchand va être là. Alex! Oui, allô? Qu'est-ce qui s'en vient tantôt? Ah, ben, de la musique. OK, mais encore? Ah, il y a des événements aussi. Ah, oh, ouais, plein d'affaires. Du nightlife, tu vas me dire? Ouais, oui. Ah, il a l'air d'un good nightlife à matin. Il a particulièrement chill. Ouais, okay, mais là, ouais, je rends ma voix plus grave. Oui. C'est ça, sa voix matinale. C'est dans quelques minutes, reste là. Aujourd'hui. C'est fou! 89. Assemblage anti pour toi aujourd'hui. Assemblage Rocky en ce mercredi 18 octobre 2017. Mathieu Plante et Tania Baudin. Bien sûr, Alex Marchand qui vient d'arriver. Allô. Pendant que Tania est partie nous chercher à boire, est-ce que t'as pas entendu parler de l'histoire d'Éric Salvay ce matin? Ben non, en fait, tu viens de m'en parler puis ça vient de m'ouvrir à un monde d'inconduite sexuelle que je comprends pas trop. Un monde de dépravé, si on veut. Ah, je pense que oui. Mais j'aurais aimé ça que Tania soit là parce que je suis sur le site. Parce qu'évidemment, si vous écoutez les autres radios de Trois-Rivières, et radios locales qui sont propriétés de Bell Media, on sait qu'Éric Salvay est une personnalité Bell Media. Non, mais donc, ils vont probablement pas en parler ben. Non, non, non, d'après moi, ça va être tel. Ouais. La presse en parle, par exemple. Oui, c'est ça. Vous le dire. Et justement, je suis sur le site de Rouge FM en ce moment même, et la programmation a un trou béant entre c'est 16h et 18h l'émission d'Éric Salvay. Présentement, ça fait à 13h Rouge au travail, à 18h le top 6 Rouge. Il y a des execs qui doivent être dans marre. Oui, oui. Quelqu'un a été engagé à la dernière seconde super cher pour aller mettre à jour le site web, parce que dans les animateurs, Talia est en train de revenir, dans les animateurs de Rouge FM en ce moment, Éric Salvay, je te garantis, n'est plus là. On voit tout le monde sauf lui. Ah, Colin. Beaulac, Duquette, Prévost, Gingras, Girard, Campeau, Morin, Rivard, Babin, Gagnon, Paquin, Langlois, Nolin, Labelle. Qu'est-ce qui se passe? Éric Salvay n'est plus sur le site de Rouge FM, ni son émission, ni sa fiche d'animateur. Il a montré son pénis en réunion. Mais c'est ça. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui arrive. Et si je vais dans le site de V, eux sont pas aussi rapides étant donné leur budget. Éric Salvay est encore listé comme étant le talk show de fin de soirée. Parce qu'en fait, V, il y a pas mal de shows qui appartiennent à Éric Salvay. Oui, effectivement. L'empire médiatique. Mais pour moi, je suis surpris de voir Rouge FM aussi rapide dans son exécution. La nouvelle est sortie. On est arrivé à 7h en studio environ. Oui. La nouvelle venait de sortir, c'est ça? Écoute, ça faisait peut-être gros maximum record. C'était 3h, par exemple. La presse est sortie à 5h. Oui, c'est ça. Très rapide. Moi, je l'ai vu 15 minutes après 5h. Mais pour que Rouge FM ait décidé de tout retirer les traces. C'est vrai, il est plus nulle part. Il se passe quelque chose. Okay, oui. On a hâte de voir les suivis de ça. Probablement qu'Éric et les Fantastiques auront un remplaçant. Peut-être quelqu'un d'autre va animer ça. Peut-être gens qui vont shipper Mélanie Ménard à l'après-midi ou je sais pas. Peut-être. Quoi. On verra et j'ai hâte de voir, comme j'ai dit en début d'émission, les reprises de Rire et délire ce soir à la place d'Éric Salvay. Avec. J'ai hâte de voir ça. Ben, bref, on parle des radios des autres. pas qu'on est heureux de l'insuccès des autres, c'est pas ça. C'est non. Juste qu'on sait que les autres en parleront pas parce qu'ils sont propriétés de Bell Media. C'est ça. C'est pour ça. Mmh. On veut vous tenir au courant. Ceux qui sont Cogeco vont en parler, par exemple. Vont se faire un plaisir même c'est de compenser sûr. Pour Bell Media. Probablement. On fera pas ça trop longtemps, OK? Non. On passe à autre chose. Fini, c'est le sage. C'est juste une petite parenthèse. Ranger la dirt dans vos poches. C'est ça. Alex Marchand. Bonjour. Qui est avec nous pour sa chronique musicale Nightlife. Bonjour à toi. Eh hey, bien, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Très bien. Est-ce que tu nous as monté une petite intro avec ton set de DJ, comme t'avais dit? J'ai juste une photo d'Éric Salvan qui est comme avec la bouche ouverte puis un air de... Fait que là, je me demande qu'est-ce qui se passe en bas parce que la photo arrête à sa taille. Mon Dieu, non. C'est concept, c'est incroyable. Ouais. Excusez-moi, ça m'a vraiment distrait profondément. Mais même si on veut pas en parler, on va en parler quand même. C'est trop marquant. On n'a pas le choix d'en parler. Sérieux? C'est chez nous, là. Ça serait comme ne pas parler de Guy Cloutier dans le temps. Ben, c'est ça, exactement. Tout le monde parle de Harvey Weinstein alors que dans le fond, personne ne connaît à part pour le fait qu'il avait fait des films. Là. C'est ça. Tu entends, c'est pas une vedette. Là, Non, c'est vrai. Donc, Éric Salvaille, on s'entend qu'au Québec, c'est notre nouveau Harvey. Je me demande si on fait des recherches, si Éric a parlé d'Harvey Weinstein. Je sais pas, mais c'est très drôle. Il y a à peu près une heure, Radio-Canada a sorti une entrevue avec Nathalie Simard sur la confidence sur le prix à payer pour tenir tête aux puissants de l'industrie artistique. Il y a une heure seulement. Donc, ça travaille fort dans les autres médias, je pense. Nous, on est bons pour rapporter ces propos-là, c'est tout ce qu'on fait. C'est ça. On n'a pas le budget pour des journalistes sur le terrain, malheureusement. Les autres médias étudiants. Et voilà. Justement, un étudiant à l'UQTR. Bonjour. C'est Alex Marchand. Hey! Allô! Hey oui, ben, là pour cette chronique musicaux Nightlife! Oui! Hein? Bref! Ça commence là! C'est excellent! Et tu nous as pas monté d'intro ni de petit mix de musique? J'ai été débordé, imaginez-vous donc, j'ai des remises. Et ça donne que, tu sais, la dernière année universitaire, ils te donnent des projets qui ont pas d'allure. Ouais. Fait que, bref, j'ai beaucoup de projets, là, ça achève. Semaine prochaine, je vais avoir plein de temps de travailler là-dessus. Je vais faire du beau montage audio. J'ai pas retrouvé l'extrait, Mathieu, que j'étais supposé amener. Fait que, ben bref, on va s'arranger autrement, on va sortir la créativité, puis on va faire ça. Ça va être bien le fun. Exactement, on va avoir du fun quand même. Ah, ben ça, j'ai pas inquiet, toujours du plaisir quand je passe. Donc, ouais. Nightlife et musique veut dire que tu nous parles de quoi faire dans la vie et quoi écouter dans la vie. Ouais, mais surtout dans la nuit, dans plus la que nuit. Dans la vie. Excuse-moi. Oh, hein, la poétie. Quand il fait noir, les choses sortent de partout. Ouais. Ben pas des risques. Les gens. On peut pas s'en sauver. Non, effectivement. Je vais sortir toutes les gags possibles durant la chronique, en tout cas, puis après ça, on verra durant la journée. Si j'en ai des bonnes, je les enverrai. Merci, on va les utiliser demain. Ah, c'est ça. Donc, par quoi est-ce qu'on commence aujourd'hui? Hey, on pourrait commencer par un petit peu de musique. Oui. Dans le fond, la première chanson que j'ai envoyée va être la suivante, que si je réussis à la retrouver un jour. C'est Candy de Dillian Francis. Dillian Francis, qui est un artiste qui vient... Je vais vous dire ça dans deux petites secondes. Hey, je suis vraiment mêlé dans mes notes. Préparé pas mal aujourd'hui. Ben oui. Oui. Ah oui, sérieusement, j'ai trouvé plein d'affaires. Wikipédia est une source d'informations incroyable. Sauf que des fois, il y a du monde qui écrivent là-dessus, qui font translate, puis là, ça donne un français de mal. Ah boy. Fait que, bref, j'ai eu de la misère à comprendre, mais je me suis forcé pour vous, chers auditeurs, et j'ai démêlé toute cette information mal structurée. Donc, Dillian Francis, qui est un artiste qui vient de la Californie à Los Angeles, comme la plupart des artistes connus. Ouais. On dirait que c'est une pépinière à artistes. En fait, c'est un artiste qui a créé un genre pratiquement. Là, tu sais, on peut connaître aussi Skrillex, qui a créé par exemple le dubstep, qui est underground au début, qui est quand même assez connu aujourd'hui. Mm-hmm. Dillian Francis, de son côté, a créé le Moombaton et le Moombacore. Donc, c'est de la musique électronique d'inspiration un peu plus latine, inspiration un peu plus reggaeton, puis qui est vraiment assez fun à écouter. C'est un artiste qui fait aussi un peu de trap, de electro house, de dubstep, donc on est vraiment encore une fois dans la scène underground, mais c'est quelqu'un qui se démarque quand même assez bien de ce côté-là. Il a fait des records avec des artistes assez connus comme Calvin Harris, Skrillex, Bro Safari, Kygo. Il a aussi sorti des trucs avec Nero, Flux Pavilion, donc c'est quand même quelqu'un d'assez respecté dans la scène dubstep, qui a fait justement un record qu'on appelle Candy, qu'on va écouter tout de suite. C'est un record, là, pour ceux qui comprennent pas, c'est comme un disque, un enregistrement, un vinyle, un CD, une cassette. Ouais, exact. Il y a plein d'anglicismes dans le monde musical. J'ai abandonné l'idée de toutes les trans, de translate. C'est même assez. C'est translate. Je suis capable de rien dire en français. C'est une leçon d'anglais. C'est fini. On écoute ça. À son lavoir. Bonjour! Hey! Vous êtes bien réveillé? Ah oui, j'ai pris mon Folgers à matin. Donc, la prochaine chanson va être une de... Hey! Oh, il faut que j'attende la musique, c'est... Non, hey! c'est pas la musique. Ah non? On est toujours dans la chronique Musico Night Live d'Alex Marchand, sinon les gens savent pas, là. Ah, c'est vrai, ceux qui viennent d'arriver, bonjour, d'arriver. Ça, allô? Vous êtes en retard. Effectivement. Ça fait depuis 8 heures que c'est commencé. Même nous autres, ça fait 7 heures. Nous autres, ouais. 7 heures, vous êtes des lève-tôt. Ça, tu te levais. Tu te lèves pendant le début de l'émission, c'est ça? Ah, non, lui, c'est juste pas couché. Ah, nightlife. C'est ça, nightlife. C'est ça, nightlife. Que des nuits. Le jour où je dors, donc là, je t'avais de me coucher, le soleil vient de se lever. Bon. rebonjour, re-bienvenue à la chronique. C'est ça qu'il faut dire, Mathieu? Exact. Pas mal ça, ouais. Okay. Ça va bien à date. Super. La prochaine va être une chanson de Borgore, encore une fois, sur la scène dubstep. Vous avez dit que vous vouliez du underground, de l'électronique. Oui, ben oui. Ben, c'est ça qu'on vous amène aujourd'hui. Donc, le Borgore, de son vrai nom, Yosef Asaf Borger. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Oui. Mais pourquoi il s'appelle Borger puis il a choisi Borgore? Ben, c'est probablement parce que ça se ressemble. Oui, peut-être, c'est ouais. Plus gore. Ah, c'est peut-être. Sûr. Le pour Halloween. Je vais avoir un lien à faire avec ce que tu viens de dire, Mathieu. Wow. Je vais continuer. Puis tu vois, d'habitude, dans la radio, t'es pas supposé dire que tu vas dire quelque chose qui a un lien, tu sais. Ah, c'est moi qui fais ça vrai, faire des c'est références. C'est ça le punch. Ouais. Ok. Ça gâche un peu le gars. Ah, ben oui, c'est correct quand même. Mais je vais faire comme si j'avais rien. Ouais, ouais. Donc, on va couper sur mon montage. Ouais, exact. C'est un artiste de Tel Aviv à Israël qui a commencé par étudier en saxophone. puis pour devenir saxophoniste professionnel, sa carrière a pas levé comme, comme certains autres artistes. Puis finalement, il a fini par écouter, aller dans un disquaire. Le disquaire, il a donné un CD, puis il a dit, tiens, écoute ça, puis il a écouté, puis c'était bon, c'était du dubstep. Fait que là, ben, il a décidé que, hey, moi aussi, je serais capable d'en faire, je joue du saxophone, capable de jouer du piano. Fait que là, ben, il a commencé à faire de la musique électronique un peu plus. Sauf que là, il y a un de ses amis qui a dit, hey, Borger, tu pourrais venir, ben, Borger, en fait, parce qu'il s'appelait pas encore comme ça avant. Il dit, hey, tu pourrais venir jouer dans un groupe de deathcore, genre. Fait que là, ben, il était batteur pour le groupe de deathcore, puis ça l'a inspiré à faire de la musique encore plus violente que le dubstep à l'étopper. Donc, vous allez voir, c'est pas doux comme musique. Est-ce que c'est comme du dubstep metal un peu? Ou? Ouais, exactement. Ah ouais. Ben, c'est justement, il y a des gens qui comparent sa musique à des drames de films d'horreur. Mais ben, c'est pas si pire que ça. Moi, j'aime ça. Puis wow. Bref, vous allez voir, c'est du dubstep assez, je dirais, hardcore, justement. Okay. Exactement. Puis, Borger est un artiste qui a seulement levé par Internet parce okay, qu'au cool. début, les labels trouvaient ça trop intense. Le dubstep avait pas une super bonne réputation ouais. quand ça a commencé. Donc, les labels... drogué. Non, avec un peu ça, sérieusement. C'est, tu fais pas jouer ça dans ton magasin, mettons. Non, non, ça vend moins. C'est ouais. ça. À moins ou que ça tu va plus des vite. Opiacés, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que justement, il s'est produit exclusivement à partir d'Internet au début, puis il a réussi à développer un fanbase. Puis là, je suis encore dans les anglicismes à la pelleté, mais il a développé un fanbase, puis éventuellement, ben, les gens ont fait de lui un artiste, puis là, maintenant, il a signé avec plusieurs labels, dont certains assez prestigieux comme Spinning Record, puis le record de Steve Aoki, parce qu'il est quand même vraiment des bons... Des connus dans le domaine. Exactement. Puis c'est un artiste très respecté sur la scène dubstep. Il a d'ailleurs fait une collaboration, je pense, en 2015 ou 2016 avec Miley Cyrus pour le single Decisions, qui est quand même une très bonne tune. Mais étant donné qu'il y a Miley Cyrus, on peut pas faire jouer ça ici. Moins. Donc, moins, ça veut dire que... Miley Ray Cyrus, par contre, l'équipe Breaky Heart. Oui, c'est ouais. ça, c'est malade. En dubstep. Je trouve ça existe. Ouais, c'est un remix ouais. à venir dans la prochaine année par DJ Alex Marchand. Donc, tout ça pour vous dire qu'on va écouter ça. La chanson s'appelle Forbes, exactement. On écoute ça à Assemblagerie. Yeah. Hello! They pay me to step in the club. Yeah. I blow it on strippers and drugs. I do. Forever finessing the plug. Got rich and I learned what the difference was. Looked at the top and said, bitch, I want all this. Young with new money, I'm rich and obnoxious. Off multiple drugs, now this shit got me nauseous. A cowboy, I'm reckless and lawless. Look, I win the awards and I sell out my tours. I need me a Natalie Portman like Thor's. Matter of fact, she's just what I'm working towards. And I got the juice like I'm hooked up on Coors. Party tonight at Borgore's. Don't talk to me like I'm average, bitch, we're lords. Look, mama. I made it to Forbes. Look, mama, I made it to Forbes. It's just, things are just different now, you know? It's just, yeah. Sauce. And if it ain't lit, I won't stick around. I'm high off some of the best shit I found. And I don't chase girls, I'm just picking now. I guess things are just different now. And yeah, yeah, she knows what I'm thinking now. Luckily, everything's quicker now. I pour me a drink and I drink it down. Room full of boppers, then I swing my dick around. They say when it's raining, it pours. I mean champagne showers, of course. And my chick's way better than yours. No, I don't fuck with average fours. I cut fast like samurai swords. That boy, he just works and records. Mama, I made it to Forbes. Look, mama, I made it to Forbes. Look, mama, I made it to Forbes. I'm gonna go to the Look, mama, I made it to food. Rebonjour et bienvenue à la chronique. J'aime ça dire bonjour, ouais, bon matin ouais. Tout le monde. Les gens sont pas partis, j'espère. Ah non, je pense qu'ils sont restés. J'espère. Ben, je sais pas, moi, du coup, j'ai aimé ça. Là, nous, on est restés. Ben oui. Ben oui. Donc, de retour à la chronique d'Alex Marchand, Nightlife et musique. Est-ce que j'ai bien fait ça, bien Mathieu? Dit ça. Wow, ah, j'aime ça. Je suis content, merci. Il reste qu'à avoir un beau fond qui est pas notre fond généré. Ah, oh, ça, c'est excellent, par exemple. Oh, oui, c'est excellent, mais c'est pas ton fond. C'est juste la fond. Si je suis en train de chauffer, là, mes épaules, ils se feraient aller, ça serait merveilleux. Hey, j'aimerais ça. Ah, crime, ben, crime. Tantôt, je vais passer dans le parking, tu vas pouvoir me regarder avec les épaules qui bandent. Ouais, ouais. Bref. On pourrait revenir sur nos gags d'Éric Salvaille assez facilement. Ah, je pense que oui. Je pense que la petite dernière tune, puis on fait les gags d'Éric Salvaille. Parfait. Après. Ok, je vais laisser faire une parenthèse d'Éric Salvaille, genre. Okay, avant et après. Ben, non, ouais, on pourrait en faire. Non. Attends. Une tune, puis après ça, on parle d'Éric Salvaille non-stop. Non-stop pour le reste d'émission. Excellent. Donc, la prochaine chanson est une de D-Wayne, qui est un artiste néerlandais qui fait du electro house, EDM, house progressif. Il fait un peu tout, il est musicien, il est DJ, il produit. Dans le fond, c'est encore une fois un hit assez, je dirais, trap, un petit peu dubstep. Donc on est vraiment encore. Rappelez-nous, c'est quoi du trap déjà? Du trap, c'est. Concrètement, je pourrais dire par exemple qu'est-ce que j'en perçois. Ouais, ouais. Ça va être semblable au dubstep, sauf qu'avec un rythme qui est un peu plus constant. Dubstep, on va avoir souvent un temps fort sur le premier et le troisième temps. Ça va être top, top, top. On peut reconnaître le dubstep à partir de ça, okay. Tandis que du trap, on va avoir un peu plus un rythme qui va être EDM. C'est pop, pop, pop, pop, pop. Ça va être plus rapide. Exactement. Mais ça peut être plus lent aussi, c'est juste que ça va être un rythme qui va être plus constant. Mm-hmm. Puis avec ça, on va mêler un petit peu qu'est-ce que le dubstep faisait aussi avec des drops qui vont être assez puissantes, assez violentes. Montagneuses, presque. Exactement. Ouais. Donc la chanson qu'on a écoutée tantôt, Forbes, était d'ailleurs quelque chose d'assez trap. On va poursuivre avec quelque chose d'assez trap aussi avec la chanson Ghost de D-Wayne. On écoute ça tout de suite encore une fois dans la chronique musico Nightlife d'Alex Marchand. Ouh. retour à Assemblage requis à la chronique d'Alex Marchand. Je commence à être bon, là. Oui, mais on est toujours pas parti, par contre. Ouais. Sérieux? On est pas parti. On est encore là, là. T'sais, tu peux dire qu'on est toujours à la chronique. Toujours. Ah. Chose, ah, ben ouais. Ça, c'est le fun. C'est la chronique qui continue. Ah, ben c'est ça. J'écoute pas beaucoup, mais c'est pas, je suis pas réveillé. C'est comme un cours. Je me réhabitue à faire de la radio, c'est pas c'est facile. Ça. C'est comme un cours de radio, mais sans Eric Salveille comme preuve derrière. Oh! Ah, c'est ça. Au moins, je me fais pas taper sur l'épaule en me demandant qu'est-ce que je vais voir en me retournant. C'est ça. Soudainement, c'est ça. C'était un monstre. D-Wayne avec Ghost. C'est ça. Oui, exactement. On avait fini, hein? Oui, c'est pas mal. Ça. Fait, j'avais autre chose, je voulais parler du F1, mais tout le monde sait c'est quoi, ça va sentir la bière demain matin. Fait, non, jeudi, vendredi matin, en fait. Vous autres, travaillez c'est pas. C'est jeudi soir? Ben oui. On travaille des fois le vendredi, tu seras. T'as eu? Ça arrive, hein. Ah, ben quand même. Ça dépend des semaines. Ah, ben c'est correct. On a un horaire variable. Ah, ben c'est fun, ça. Bon, on parlait d'Éric Salveille depuis tantôt. On se disait qu'on allait finir ça, la chronique avec ça. Qu'est-ce qui se passe de nouveau? Ah, ben on va laisser la parole. Tania, des détails croustillants. Ben là, écoute, il y a plein de détails, là. En fait, c'est vraiment la presse qui est. Sur la nouvelle. Qui est sur la nouvelle avec le plus grand nombre de. D'histoires. De témoignages. Qui se passe, ouais. Éric Salveille est un homme. Exhibitionniste plutôt dans ses réunions. Oui. Oui. Là, on parle pas de viol. Non, on parle pas de viol. On parle pas. Ben, pas jusqu'à présent. Là, on parle d'inconduite sexuelle, en ouais. fait, qui sont présumées. Reprochées. Ouais, exactement, ouais. À Éric Salveille. En tout cas, pour des allégations présumées, comme on l'a dit tantôt, Rouge FM l'a tassé de là pas mal rapidement ouais. en date de tantôt. Mm-hmm. On parle de 11 personnes qui ont raconté à la presse avoir mal. Subi des gestes sexuels déplacés de la part d'Éric Salveille. Puis, on parle aussi de témoins qui étaient là quand ouais. ça s'est passé. Donc, de la part du producteur et animateur qui n'est plus sur le site de Rouge FM. Et on entend apparemment quand même des rumeurs de son côté pervers à plusieurs endroits depuis plusieurs années. Mais bon, nous, le grand public, n'étions pas au courant. Mm-hmm. Donc, on va voir ce que ça donne. Mm-hmm. Pour l'instant, vous allez en entendre parler un petit peu partout, mais j'imagine qu'il y en a qui commencent leur journée en nous écoutant un petit peu. Donc, Éric Salveille, perv. C'est ça. Exactement. Pas mal ça. Merci. Côté féminin et masculin, en passant, c'est ça, on en a des deux côtés, là. De il y a des recherchistes, des gens de montage, des étudiants. Maquilleurs. Des maquilleurs. Ça bouge beaucoup dans les pantalons d'Éric Salveille. C'est ça. Une belle histoire et j'ai hâte de voir ce qui va se dérouler, ce qui va se développer pendant la journée là-dessus. Oui. J'étais en train de te remercier, Alex Marchand. Oui, ben merci à merci vous de m'accueillir comme à tous les mercredis. C'est juste que moi, des fois, je suis pas disponible. Mais là, ça devrait bien aller. Ça s'enligne pour le reste de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, exactement. Mercredi, à partir de 8h. Oui. Merci, Alex. Ça me fait plaisir. Au retour, David Ferron va être avec nous. Salut, David. Salut. Ça va? Ben oui, vous trois. Ben oui. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt? Qu'est-ce qu'il y a? Ben non, vous parliez de potins. Ouais. Est-ce que je peux faire une parenthèse là-dessus? Ben oui. C'est en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que je me rends compte qu'il y a. Ben, il y a pas un double standard, mais c'est commentaires sur Facebook de fans d'Éric Salveille qui disent non, ça se peut pas, mais pourquoi tu l'as pas dénoncé avant? T'as bien raison. C'est méchant ce que je vais dire, mais get over it, ma tante. Ouais, ben exactement, non, c'est ça. Il y a beau être gentil à la télévision, ça veut pas dire qu'il sort pas le pénis sur une table de réunion. Non, et. Il faut accepter que aussi un homme ou une femme qui se sent agressé, c'est intrusif. Il y a l'intimidation, le sentiment de culpabilité, il y a plein de trucs qui sont pas dit dans l'article de la presse. Ouais. Mm-hmm. Surtout en position d'autorité, comme ça. D'autorité, mais surtout. Monopolise la production quasiment au Québec. Oui, tout est produit par lui, donc à un moment donné, ça va causer vraiment beaucoup de problèmes. C'est pour ça que je dis que j'ai hâte de voir les développements. Là, c'est juste sur Rouge FM, mais ça va clencher pas mal dans les prochaines minutes. On espère juste que le milieu québécois va aussi changer de mentalité par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on tolère et qu'est-ce qu'on ne tolère pas? Ouais, ben, c'est même pas juste québécois. T'sais, avec Harvey Weinstein aux États-Unis, c'est mondial, je pense. Le phénomène. T'as dit vouloir voir les développements, mais es-tu sûr? Pas le développement. Je veux pas qu'il déroule son monde. Ouais, j'avais mal compris. Ouais. On parlait que sa photo avait été enlevée des animateurs sur le site de Rouge FM. Eh bien, si vous essayez d'aller sur la page de l'émission, Éric, il est fantastique. C'est un message d'erreur. Ben oui. Ouais, mais comme j'ai dit tantôt, celui de VTL en date d'il y a 3 minutes environ était toujours avec Éric Salveille en fin de soirée ce soir. On suit ça. Mais la page a planté tantôt quand Tania essayait de se connecter sur l'article de la presse. Il y a des gens qui sont en train de regarder. Hey, c'est pour faire planter le site de la presse, pour que ce soit une nouvelle du siècle, pas mal. Oh, ouais, quand même. Wow. Pour dire qu'il était big aussi dans la dernière année, il y avait vraiment son, plusieurs émissions qui marchaient, son talk show, des recettes pompettes. Mais c'est d'ailleurs lui qui produit avec Julie Snyder, Occupation Double. Je pense qu'il rentre comme ça. Puis ça rend pas cher en plus. Mais là, on est revenu sur les ondes de V, fait que je crois qu'il touche une certaine partie de tout ça. Ben non, en fait, c'est depuis. Ça, c'est une belle histoire d'ailleurs que j'ai entendu. C'est qu'il y a un crédit d'impôt qui a été coupé aux entreprises qui ne faisaient pas affaire avec plusieurs réseaux. Donc, okay. Production J faisait exclusivement affaire avec TVA parce qu'on connaît bien la relation entre Pierre-Carl Pelado et Julie Snyder. Plus maintenant, mais avant. Exactement. Donc là, ben, Production J, à cause de ce coupage de crédit d'impôt-là qui faisait en sorte que l'entreprise devenait un petit peu moins rentable, ben, ça a fait en sorte qu'ils ont dû s'élargir à d'autres réseaux puis faire affaire avec d'autres postes de télévision. Donc, ben, maintenant, Production J produit aussi AV Télé pour permettre de récupérer ce dit crédit d'impôt. Ça tombe bien parce que puis, c'est comme un wannabe TVA. Ouais. Puis quelques, ça encore là, je vais faire des amalgames parce que j'aime ça parler. Oh, il y a quelque chose de nouveau. Oui. Attention. Oui. La page de l'émission Éric et les Fantastiques n'est présentement plus, sur le site internet de Rouge FM. Okay. Ah, incroyable. Pour terminer l'histoire, en fait, peu de temps après ce dit crédit d'impôt-là coupé par Philippe Couillard durant que Pierre-Carl Pelado était chef du Parti québécois, ben, Pierre-Carl Pelado a connu un divorce qui lui a coûté finalement son poste de chef. Donc, ça a été... ben, bref, ça, c'est un amalgame encore là, ça pourrait être ça. Mais on sait que dans les familles riches et célèbres, l'argent, c'est très important. Donc, peut-être que ça pourrait être une des causes. Puis là, c'est un gros peut-être l'argent en majuscule. L'argent achète le silence. Exactement. Ouais, donc, Eric Salvay a acheté beaucoup de silence récemment. Il n'y avait plus d'argent, rendu en faillite. Puis bref, sa réputation aussi. David? Ben ça, Harvey Weinstein, c'est carrément ça. Là, paraît que ce qui a aidé, c'est que paraîtrait que l'entreprise Harvey Weinstein et de son frère n'allait pas si bien que ça. Okay. C'est j'entends dire, mais au moins, ça commence à se dénoncer, peu importe l'époque. Puis les gens qui disent « Pourquoi ça n'a pas fait avant? » Mais il y a un contexte qui est difficile pour ces gens-là. C'est difficile de sortir, d'être le premier à sortir sur un sujet. Si les autres le font, il y a un effet d'entraînement. Puis comme l'expliquait Nathalie Simard, c'est qu'à l'époque, elle le fait, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook. Oui, c'est ça, exactement. Elle était isolée. Ça a l'air qu'il y a du monde qui lui ont coupé des contrats parce qu'elle aurait sali un grand de la musique québécoise. Oui, tellement. Grosse affaire. On continue de suivre ça. Il nous reste encore, quoi, une heure et demie à l'émission. On a sûrement le temps d'avoir de nouveaux développements d'ici tout à l'heure. Mais pour l'instant, on prend une pause. Et au retour, vous l'avez entendu, c'est David Ferron qui va être là, mais sur un micro où on n'entend pas quand il touche la table. Ouais. Oh mon Dieu, ça, on entend beaucoup. On va poser. Assemblage, je vais qui reste là. Ah! Pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Toujours dans l'émission matinale Assemblage requis, accompagné de Mathieu Blanc et de Tania Baudin, mais aussi de David Perron. Hey, salut David. Salut. Ça va bien? Oui, vous deux. Mais très bien, ça, merci. Ben oui, ça va toujours bien. Ben oui, je suis juste déçu qu'Éric Salvay ne soit pas étudiant locuteur. On aurait pu en parler aux zones campus. Ah ouais, quelle tristesse. Un zone lab, là. Tester. La nouvelle section Zone Lab, vous connaissez ça? Ouais. Mais oui, certainement. Ça porte le nom du journal qui l'a inspiré, genre le Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Donc David Ferron, qui est le rédacteur en chef du journal Zone Campus, qui est avec nous chaque semaine pour parler de l'actualité qui se passe près de nous, mais tu sais, comme hyper près. Là. C'est de la nouvelle super locale. Eh oui, exactement. Donc, ce qui touche la réalité étudiante. Oui, absolument. Donc, faire une petite mise à jour une fois par semaine. Ben oui, on s'en priverait. On serait fou de s'en priver de ces informations-là. Ben oui, puis sur Facebook, on va pouvoir voir justement ce que notre collègue, chef de pupitre, mise sur le Facebook aussi. Oui. Donc, c'est bien. Absolument. Donc, de quoi est-ce qu'on parle pour commencer? On parle d'abord de plusieurs choses chez les Patriotes, parce que c'est toujours facile, parce qu'il se passe toujours des trucs chez les Patriotes. Ils sont très, très dynamiques, évidemment. Donc, il y a eu la saison de badminton qui a commencé... qui a commencé samedi dernier. Ça, c'est pas une saison miraculeuse, mais il y a eu des petites victoires parce que pour le badminton, comment ça fonctionne, c'est assez particulier. Non, ça c'était la semaine dernière, excusez-moi. Ah, ok. Je reviens là-dessus, c'est la natation. Hein? Natation, ah, oui. Ça a été quand même, même s'il n'y a pas eu de sommet, il y a eu quand même 3 médailles durant la première compétition qui a lieu samedi. Mm-hmm. Donc, dont 2 médailles d'or pour une des athlètes qui a d'ailleurs, ça lui a valu le titre de patriote de la semaine féminine, c'est Annie-Pierre Labbé qui a eu 1 médaille de bronze et 1 médaille d'argent durant la compétition de samedi. Parce qu'il faut savoir que des compétitions de nage universitaire, il y a les en équipe, ben pas nécessairement en équipe, mais les 450 mètres en nage, en brasse, il y a les longueurs et les styles qui sont représentés durant les compétitions de natation. Mm-hmm. Donc là-dessus, il y a ça qui a succédé justement aux autres compétitions de badminton, notamment la semaine dernière. Mm-hmm. Il y a aussi le soccer, vraiment le couteau entre les dents. Ah ouais, OK. Ah oui, 2 victoires et 1 nul. Ah. Donc, il y a eu une victoire chez les Patriotes hommes, parce qu'on jouait une seule partie dimanche dernier, et chez les femmes, justement, ça leur a permis d'être de la 5e à la 3e position. Mm-hmm. Au niveau universitaire du réseau de sports étudiants du Québec. Le RSEQ. Oui, exactement. Donc, pourquoi on dit couteau dans les dents? Parce qu'on a l'impression que là, ils ont le goût de gagner, là, l'équipe des Patriotes. Pas parce qu'il n'y avait pas le goût, mais ça ne donnait pas. Il y avait des fois des nuls, des défaites, des victoires. Là, on sent que là, oups, ils ont le goût, là, d'être c'est sûr que si tu n'as pas le goût, tu ne gagneras pas. Oui, mais je pense que le goût est là, pareil, mais ça dépend des circonstances. Est-ce que beaucoup de recrues, par exemple, l'équipe de golf, ben, j'avais expliqué la semaine dernière qu'il y avait un seul vétéran et toutes les autres étaient des recrues et que le vétéran s'en va. Oui, ben oui. Il y a plein de choses aussi. Est-ce qu'il y a un nouveau coach, une nouvelle manière de voir aussi? Il y a aussi le hockey, leur match inaugural de vendredi passé, ça a été une victoire. Et ça a été une autre victoire par la suite contre Nipissing. Bon. Donc, ils ont joué 2 soirées d'affilée contre Nipissing et 2 victoires. Super. Oui, ça commence bien la saison. Mm-hmm. Parce que durant les... jeux, les préparatifs, c'était plus mitigé. Il y avait des victoires, des défaites aussi. Tandis que là, ça a l'air à bien commencer. On va leur souhaiter une belle victoire pour les Patriotes hockey. Évidemment. Il y a aussi Color ta course. Oui, t'as participé à ça. On a vu la photo passer. Ben oui. De toi en Heath Ledger dans Batman. Ah, oui. Mm-hmm. Oui, sympathique. Ça, c'est gracieuseté de Mère Chantal de l'année, qui est vice-présidente aux communications, qui, elle, m'a mis de la poudre dans les dents. Ah, ben. J'avais l'air d'un vampire. La tanante. Ben, c'est elle qui a pris la magnifique photo, d'ailleurs. Je lui remercie pour ça. Oui, David Ferron sur Facebook. Est-ce que ça, c'était bon, cette poudre-là? C'était de la fécule de maïs colorée. Okay. Donc, c'est pas nocif ou rien. Ça goûte pas grand-chose? Ben, ça goûte le colorant. Oh, bon, pas super. Donc, à cause du colorant, et oui, c'est vrai que je suis un peu biaisé parce que j'ai participé à la course. Oui, j'ai écrit l'article aussi. Donc, c'était une course, en fait, caritative. Donc, une course bénéfice pour l'Association québécoise de prévention du suicide et pour le Centre de prévention Les Deux Rives. Mm-hmm. Donc, pour ces deux organismes-là. Donc, il y avait 450 personnes qui s'étaient présentées, selon les estimations. La GEQTR, en fait, ce que Mère Chantal m'avait dit, c'est qu'elle s'attendait à 200 personnes parce qu'il pleuvait. Ah, oh, ça, c'est plate. Il faisait froid quand même. Pluie et froid, ça te donne pas trop le goût de sortir, mais c'est festif. C'est pas... En fait, on te donne pas de dossard, donc on comptera pas ton temps. Mm-hmm. Donc, le côté vraiment très convivial de la course aussi. Donc, d'où les bénévoles qui te salissent en milieu de parcours ou encore de parcours. Ouais. Y a aussi des prix de participation aussi. Bref, le but, c'est pas nécessairement de faire une grosse compétition puis de te préparer au championnat canadien ou au Ironman, mais de t'amuser. Ouais. C'est le but. On aime ça. Oui, donc une initiative de la GEQTR. Et aussi, qui disent espérer pouvoir refaire l'année prochaine, si je me rappelle bien. Oui, exactement. Et même au printemps, Émilie Lacombe Trottier, qui était l'organisatrice de l'événement, m'a expliqué qu'il y a des gens qui la poussent à essayer de faire de quoi au printemps. Bon. Et tous les commentaires que j'ai recueillis, justement, il y a eu des petits commentaires constructifs, mais c'était de l'enthousiasme. Ouais, ben peut-être le faire soit beaucoup plus tard à la fin du printemps ou beaucoup plus tôt à l'automne pour qu'il fasse plus chaud. Mais est-ce que peut-être. Tu le ferais dans ce temps-là, Mathieu? Moi, non. Et toi, Tania? Ça dépend de la distance, je pense. Ouais. Ben, en fait, ce qui était bien, c'est que tu pouvais choisir 2,5, 5 ou 10 km. Ouais, c'est ça. Tu peux pas faire 500 mètres. Exactement. Jusqu'à, ben, tu peux marcher le reste. Une nage en crawl, on peut pas. Sur la garnotte, ça doit être confortable. Ramper à terre. Ouais, ouais. Tu sais, si vous faites un Color My Race? Ben, t'as Color Me Red et Color Me One, je pense. Ok, sorry, ouais. T'en as 2. En tout cas, Color Ma Course, voilà. Ouais, oui. Dans une piscine, j'accepte. Bon. Ah ouais? Et ça, ouais. La piscine, la couleur de la piscine va être. Je sais pas si l'eau va pouvoir tout dissolver. Ça va se dissolver dans l'eau, je veux dire. Il y a un filtre, là, mais automatiquement. tu la vides puis tu la remplis après, je sais pas. Donc, il y avait aussi autre initiative de la GQTR, le débat entre les candidats à la mairie de Trois-Rivières. En fait, il n'y avait pas le maire Yves Lévesque, le maire sortant, malgré sa grande popularité, parce qu'il paraîtrait qu'il obtient au moins 65% de satisfaction. Ah, ça me surprend pas, monsieur Lévesque, qui participait à un débat étudiant, on se posait la question, apparemment qu'il pratiquait pour son autre débat plus important le soir même ou quelque chose comme ça, mais il me semble que si une tribune étudiante t'est offerte, tu la prends, non? Donc, il y avait quand même les deux candidats, Jean-François Aubin, qui le suit avec je crois 30%. Donc, et André Bertrand, qui est le troisième candidat aussi, qui est moins connu, mais qui se présente quand même et qui a participé au débat. Donc, Jean-François Aubin et André Bertrand qui ont participé au débat. Et c'est sûr qu'il y avait quand même des positions qui tenaient à cœur les étudiants aussi. Il n'y avait pas un énorme taux de participation, non, mais au moins, pas. Mais ça vaut la peine quand même. On a entendu dire quelques dizaines de personnes à peine. Hein. Mais c'est ça qui est un peu plate, parce que c'est sûr que, oui, on comprend aussi que l'université, ça recueille pas juste des gens de l'université, en fait, de Trois-Rivières, ça recueille des gens de partout au Québec. Et le fait que c'était sur les heures de cours, et que c'était dans une semaine, deux semaines avant les examens quand même. Oui, c'est sûr qu'on peut pas... la GQTR n'est pas non plus maître de l'horaire des candidats. Ouais, c'est clair. Parce que Jean-François Aubin, je reçois beaucoup de courriels, comme quoi il fait beaucoup de conférences, beaucoup de points de presse aussi. Mais tu sais, si t'as pas Yves Lévesque, déjà les autres sont sûrement plus flexibles que M. Lévesque. Mais c'est moi aussi où, tu sais, je veux pas pointer personne du doigt, mais il y a pas eu une énorme publicité par rapport au débat qu'il allait avoir ici, là. Peut-être, c'est sûr que nous, on est tout le temps dans les bureaux du Néré, du pavillon Néré Beauchemin. Mais on marche beaucoup, hein, quand même. Oui, aussi, quand même. Ouais. Peut-être. Il n'y avait pas, tant d'affiches. Peut-être ça, je peux pas, j'ose pas faire un constat, ce constat-là, puis dans l'article, il n'y a pas ce constat-là non plus, c'est juste de rapporter l'article qui est écrit par Marie Labrousse. Tout à fait, c'est objectif. Mais clairement, il n'y avait pas grand monde. T'sais. Non, c'est ça, vraiment pas. Là, hein? Mais aussi, n'oubliez pas de voter le 5 novembre pour les élections municipales, c'est important. Oui. C'est très important. Exact, j'ai reçu mon petit guide du parfait voteur là, pour mon district du Caramel. Du caramel, Mathieu. Du caramel. Maintenant, vous savez tous où Mathieu reste. j'aime ce quartier-là juste pour son nom. Donc ça, c'était pour l'actualité de l'AGE. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Oui, donc plein d'autres choses en arts et spectacles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des spectacles. Ah oui! Dans un, le groupe un peu, pas juste K, mais au Zenob, il y a eu un spectacle vendredi dernier qui était Grr en famille. Grr! Oui, c'est vraiment Grr en famille. Intéressant. C'est vraiment très bon pour la gorge. Donc, une bande c'est de joueurs... C'est passé, Tania en a. C'est ça, exactement. Oui, donc je m'éloigne de Tania. Non, c'est pour moi. Donc, c'est vraiment... Dans l'article écrit par Marc-André Arsenault, on dit que c'est une bande de joyeux lurons qui a animé... En fait, on dit que le spectacle en tant que tel ressortait des sons gypsy, donc balkans et tout ça. Ah oui, oui. C'est un très bon exemple. Avec violon notamment, contrebasse et violon. Est-ce que tu veux imiter cela aussi? Non. Non? Non, non, ça prend beaucoup de talent pour imiter le son des balkans. Oui. Et aussi, il y a eu The Great Ghost et Form, deux groupes alternatifs au Gambrinus mardi dernier. Il va y avoir également dans le Zone Lab, je vous annonce une petite primeur. Oui, le Zone Lab, la nouvelle section où on teste des affaires. Oui, bien, il y a deux de nos journalistes qui ont failli faire une crise cardiaque. Arrête donc! Ben oui! Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, elles sont allées faire le parcours de peur à la vieille prison. Ah, boy. Et elles vont raconter leur expérience sans nécessairement tout dévoiler des zombies, quand est-ce qu'ils apparaissent, ou si elles ont été enfermées dans une cellule, quoi que ce soit, mais d'expliquer leur vécu. Ouais. Bon, c'est quoi avoir peur dans une situation ludique? Ouais. On va voir ça sur le zonecampus.ca. Il y a une section Zone Lab en plein en haut de la première page, la page d'accueil. Oui, exactement. Sur Facebook aussi. Oui, exactement. Ouais. Donc, plein d'autres actualités qui s'en viennent bientôt. Génial, on va suivre ça toutes les semaines. On te reçoit comme ça les mercredis matins vers les 8h30 pour parler de ce qui se passe sur le campus. On lit le Zone Campus version papier une fois par mois. Oui. Prochain numéro le 7 novembre. Oui. Et sur zonecampus.ca, page Facebook, facebook.com/zonecampus. David Ferron, rédacteur en chef, accompagné de Marie Labrousse, chef de pupitre, au sommet de cet empire médiatique. Ça serait bien, oui, on espère justement que les étudiants et les étudiantes se l'approprient, même si Éric Salvaille n'est pas étudiant à l'UQTR. <C'est vrai. rire> Non, mais le menthe va faire avoir un peu populaire, c'est la mode. Oui, exactement. T'as le goût de licher. Le verre menthe du journal Zone Campus. Oui, t'as le goût de licher le journal. Vraiment. Merci, David Ferron. Ben, ça fait plaisir. Et à la semaine prochaine. On écoute une pièce que tu nous as suggérée, par contre, avant de se quitter. Qu'est-ce que c'est? C'est un groupe que j'ai découvert. Je ne savais pas que ce groupe-là existait. et je suis scandalisé par mon ignorance. Bon. On l'est tous. Oui. Par la tienne. Oui, je le sais. C'est... Le groupe s'appelle Papa Groove. C'est un groupe montréalais formé d'une dizaine de membres. Papa Trouille? Papa Groove. Ah, excuse. Papa Groove. OK. Parce que ça groove avec de l'afrobeat, du rock'n'roll aussi. Et la pièce que je vais vous présenter, ça vient de l'album The Hunt, qui est sorti il y a à peu près 2 semaines. Et ça s'appelle Dancing Dynamite. On écoute ça à la Conic Zone Campus. Just let me cry in peace. C'est vrai que c'est groove. Oui. C'est groove. Bon, on aime oui. ça. Le ben, matin, là, avec, t'sais, le soleil sort là, en ce oui. moment. Là, mm-hmm. C'est sûr que si j'animais mon émission L'Obtrotter, ça serait dans un top 5. Là, c'est ça. C'est l'émission que t'animes une fois d'une session de temps en temps. Oui, exactement. Change d'horaire à chaque mois. Puis, ben oui, je suis comme le phénix. On sait jamais où te trouver, mais t'es là quelque part. Oui, là, je suis là avec vous. Merci d'être là, oui, tous les mercredis matin à 8h30 pour la chronique Zone Campus. Ça avait rien à voir avec le Zone Campus, c'était juste un accessoire musical pour nous. Oui, exactement, parce que j'écoute beaucoup de musique et ça m'a fait plaisir. On n'a pas... Donc, pour représenter la chanson, c'était le groupe Papa Groove avec la pièce Dancing Dynamite. Génial, ça. Merci. Bonne et suggestion. Vous pouvez même écouter tout l'album sur Bandcamp. Hey, c'est fou. C'est magique, ça. Puis l'acheter. Ah, ben là, t'as peur, là. À la semaine prochaine, David. Ben, merci beaucoup encore une fois. Dans quelques instants, ce sera la chronique d'improvisation dans les coulisses de la l'huître avec Gabriel Béhoud. Il s'en vient, là. Il est en chemin, là. Mais pour là, oui. On prend ça coup. Ben, clairement. Babagrou. Babagrou. Babagrou. Puis on revient. C'est bon. Aujourd'hui. C'est fou! 89 ans. Assemblage anti pour toi aujourd'hui. C'est bien l'Assemblage requis en ce mercredi 18 octobre 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ok, oui, l'émission passe comme toujours vraiment, vraiment vite, surtout lorsqu'on a autant de nouvelles qui sortent pendant notre émission sur le... les déviances sexuelles des gens. T'as entendu ça, hein, Gabriel? T'as pas entendu ça? Oui, okay. Mon monde s'écroule. C'est ouais. Sûr, hein? Parce que là, ça, là, c'est un fleuron sorellois. C'est vrai, on va faire sérieux? Quoi après? On va s'attaquer à Alain Dumas? Ah, yeah, oui, on a parlé de l'année du mois la semaine passée. C'est vrai? Ben oui, mais... Là, c'est Eric Salvaire. Il devrait avoir une certaine immunité politique à l'entour des gens qui... Les gens de Sorel. Non, mais c'est très courant. Faire ça à Sorel, là, c'est des petites blagues qu'on se fait tout se en montrer tout, le pen. Ben, à Noël, à Pâques, à la fête, les fêtes d'anniversaire. Ouais. C'est très, très commun. C'est ancré dans notre culture. Et puis, là, on apprend que c'est pas correct. Ah, oh. Oh boy! Hein? Gabriel, il est tout le temps... Il anime tout nu. Il fait sa chronique tout nu. C'est ça. Tout le temps. Ben oui. Régulièrement. Hey, est-ce que tu penses que si Eric Salvaire est arrêté, ils vont l'amener au pénitencier? C'est peut-être un de ses rêves, visiblement, de se passer. Oh, comment? Non. Bon, ça se terrible. Comme Carl, ça. Ça ne se fait pas. Ben non. Ah, Gabriel! Après tout, nous sommes une émission de service. Nous sommes une émission de service matinale. Oui. Sur une radio universitaire. Oui, mais ouais. Là, c'est ça. Là, on va laisser à Eric le soin de laver son linge sale avec... Parce qu'il n'y a plus rien à faire. Mais non, il veut pas parler à personne! Hein? Il veut pas parler à personne. Ouais, il a refusé des entrevues. Il n'avait pas des entrevues, mais... Même Harvey Weinstein a nié les allégations. Ça. Ouais. Ouais, mais lui, il les a niés. Eric Salvaire, il les nie pas. Il fait juste rien dire. C'est ça. En fait, il a consulté son avocat, apparemment. Ah oui. Puis après ça, il a dit qu'il n'allait pas répondre à aucune question. Ouais, probablement que c'était un conseil de ce dernier. Là. Ouais. Probablement, oui. Forte mais, possibilité. Shut your mouth. Peut-être qu'il attend que ça passe. Oui, ça va passer ça très facilement. C'est une slow news week. Boy. Le nouveau hashtag, ça va être quoi après ça, pour ceux qui ont été victimes de Salvaire? Don't show it. Don't show it, c'est ça. Don't put it on the table. Hide your junk. Exact. Bref, on va parler d'autres choses un petit peu. Là. Ouais. Si on aime bien gros le sujet. Là. Ben, visiblement, je m'en demande autre chose. J'en pense ouais, hein, c'est ça. Ben, c'est vrai que c'est un sujet qui captive l'attention et l'imaginaire. Parce qu'on est habitué, on le voit à télé depuis quoi? Toujours. Ouais. Ben, j'ai croisé un collaborateur justement à la chasse-galerie qui vous a quitté il y a quelques instants, Alex. Oui. Et puis, c'était drôle. Je sais pas si vous en avez parlé, mais sur sa page ou dans l'article, ils font comme la carrière d'Éric Salvaire en date. Et puis, ben ça, généralement, c'est pas sur des articles de décès de personnes qu'on voit ça. C'est la fin de sa carrière. Ouais, ben, je sais pas, là, ça a l'air d'être ça ressemblait à ça pas mal. Pas mal. Ben, tu sais, il a fait assez de cash, là, il est capable de vivre pour l'instant. Hein, mais... Ouais, mais tu sais, c'est pas juste une question d'argent, non, là, dans son cas, je présume, là, parce que tout n'achète pas, là. Attends une minute. Ouais. L'argent n'achète pas tout. C'est ça. Bref. On lui souhaite au moins de peut-être se faire soigner ses problèmes de déviance. Ouais. Hein? De déviance. C'est une bonne idée. Ouais, c'est ça. Comptoir déviance. Voilà. On va s'arrêter là-dessus pour pouvoir parler d'improvisation. Oui, hein? Voici, ben oui, ben oui. Là, ça va être drôle, on arrête d'être sérieux. C'est ça. C'est dans les coulisses de la l'huître. t'as dit? Ah, je chantais. Je m'inspirais de l'actualité. De l'actualité. Tu vois, je suis de même. Je suis de même, je m'inspire de l'actualité. Là, probablement que dans deux semaines, là, ouais. lorsque ce sera le prochain match de la lutte où les Rouges joueront, ouais. je vais sûrement faire des blagues sur genre, il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Ah, oh, wow! Ça sera d'actualité, tu comprends? C'est ça, c'est dans le moment présent. Oui, oui, non, mais c'est ça. Moi, je prévois, en fonction du futur, l'actualité. Oh, crime. T'es dans deux semaines, c'est une éternité pour certains. T'es devant l'actualité, t'es un devin de devant. Voilà. Voilà. Sur ton divan. Exactement. Devin, devant, divan. Voilà. Nouveau tourne-langue. Donc, le match qui a eu lieu lundi soir, 16 oui. octobre, pour commencer par le passé, c'était un match après un congé. Oui. Et avant un congé aussi. Oui. C'était un match de milieu de néant. Mm-hmm. Hein, exactement. Qui était entre les oranges et les bleus. Oui. Ben, pour faire un peu écho à ce que tu viens de dire, là, c'est un peu le cas de la luître depuis le début de l'année. Les gens, ils se demandent tout le temps, est-ce qu'il y en a lundi prochain? Est-ce que je croisais un habitué, là, justement, hier soir, puis il m'a dit, comment ça, le deux semaines ou la semaine précédente, il n'avait pas, tu sais, vu que c'était l'action de grâce. Pourquoi l'autre fois d'avant, deux semaines avant, c'était le camp de recrutement? Alors, ça fait match, pas match, match, pas match, match, pas match, match. C'est à peu près ça, ouais. Donc, mais par contre, à partir de dans deux semaines, on revient là au match de la semaine précédente, ben de cette semaine dans 30 secondes. Ouais. À partir de dans deux semaines, ne vous inquiétez plus, cher public, il y aura des matchs tous les lundis soirs. Jusqu'à la mi-décembre. Noël. Jusqu'à ouais. Noël. Ouais, c'est environ, je pense, les 14 ouais. derniers matchs. Je pense que c'est ça, 13-14. Ouais, dans ces coins-là. Mais bref, pour revenir au passé, oui, le match oui, entre oui. les bleus et oui. les oranges, qui a été vraiment pas serré au début. Hein. Non. Au début, c'est tout le temps la même équipe qui avait le même point, tout le temps les bleus. Bleus, ouais, bleus, ouais, bleus. Oui, oui, oui, ils ont commencé vraiment en force leur match. C'était un bon match. C'est le fun de voir justement la dynamique s'installe. Un match orange-bleu, c'est vraiment différent, par exemple, de ce qu'on peut s'attendre d'un match de n'importe quelle autre équipe. Ouais. Ces deux-là ensemble ont une certaine symbiose. Ouais, ouais, ouais. Ça connecte bien. Des fois, tu te demandes s'ils sont pas la même équipe. T'sais, ils ont exactement. Oublié de changer de chandail. Leurs mix sont très intéressants justement ouais. pour ça. On voit que moi, ça joue un peu moins du coude. Là. Ce qui est le fun à voir. T'sais. C'est pas une rivalité tellement que de l'entraide et ça donne que quelqu'un gagne à la fin. T'sais. Exactement. Bref. Mais c'est ça, comme on a dit, ça a commencé vraiment très, très bleu. Ensuite, il a commencé à avoir un petit peu un point orange. Là, ça faisait. Ça basculait. Hein. Mais en gros, je te dirais que le match a fini avec pas mal plus de points mm-hmm. d'un côté que de l'autre. Ah, c'était un match qui était officié par Vincent Rainville. J'allais y passer mes feuilles, mais c'était incompréhensible. Mais Vincent Rainville a officié ce match-là et on a le droit à une ou deux catégories assez le fun. Je pense par exemple à une catégorie qui aurait pu lever un petit peu plus. Je tiens pas à, c'est pas pour diminuer les deux équipes qui jouaient loin de là, là. C'est un défi qui est difficile à relever. Mais un livre dont vous êtes le héros. Oui. Donc, c'est ce type d'improvisation-là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on propose toujours entre deux et trois choix à peu près là, au public. Donc, par exemple, là, on va-tu voir mamie ou ben, on va au centre d'achat? Mais ce qui est différent, c'est que là, c'était les joueurs sur la scène exactement. Qui posent la question au public. Et habituellement, c'est l'arbitre qui interrompt l'improvisation et qui pose la question. Exactement. Là, c'était vraiment à la guise des joueurs. Je pense que c'est pour ça que c'est un petit peu moins élevé, puisque habituellement, c'est l'arbitre qui détermine quand le choix apparaît et quel est le choix. Et qui, lui, a le temps de penser à des suggestions loufoques, alors que oui. les joueurs sont déjà en train d'improviser un match. Ils sont déjà en train de faire des suggestions loufoques. C'est ça, exactement. Mais un livre dont vous êtes le héros, je pense que c'est un type d'impro qui est vraiment le fun, surtout que ce soit en fait les équipes ou l'arbitre qui donne le choix au public. C'est que le public a une certaine marge de manœuvre. Des fois, aussi, on s'entend, là, c'est un choix... moyen et puis un excellent choix pour le public, ben, donc c'est assez ça facile. Paraît qu'ils veulent que ce soit le choix ouais, qu'ils veulent. Genre, voulez-vous qu'ils se déshabillent? Ou, Non, mais ça pourrait vraiment être ça. Voulez-vous que la date aille vraiment mal ou que tout se passe très bien? C'est sûr, ça va virer mal. C'est sûr, mais c'est vraiment impôts. Le fun. Exactement. On a eu le droit à ça, on a eu le droit aussi à un thème à compléter. Oui, effectivement. Ça, c'est assez commun, on en voit souvent. Je pense qu'on en a vu un à tous les matchs cette année. Ouais. Un thème à compléter, en fait, c'est l'arbitre nous donne un thème assez général. Cette fois-ci, c'était autant en emporte-le. Mm-hmm. Et puis, C'est ça, en fait, les équipes décident avec quels mots ils complètent ce thème, ce qui guidera leur improvisation. Il y a beaucoup d'improvisations qui ont eu des thématiques qui ont pas beaucoup, plusieurs, mettons, qui ont pas été vraiment respectées. Il y a eu des pénalités pour non-respect de la carte thème. Oui, parce oui, qu'à un moment donné, quelques-unes. Le sujet n'est pas amené du tout. Et là, à la fin, quelqu'un, genre, fait comme... Le garoche. Ah, c'est vrai, il y a un thème, puis il essaye de le faire fitter, mais ça fait rarement, ça. Ouais, ben ça arrive souvent, ça, ouais. lorsqu'on a des thèmes à plugger, puis des fois, on se rend compte, ah, oh, on va avoir le temps en masse. Ouais, ouais, on a 3 minutes 30, ah, mettons. On a 5 minutes! Ouais. Finalement, tu te rends compte, il reste 30 secondes. Oh, fuck! Ouais. Justement, en parlant de longues impros, il y a eu une fusillade à un moment donné qui était vraiment sur une longue échelle. Un gladiateur. Un gladiateur, excuse-moi, ça a dû durer quasiment une dizaine de minutes. Oui, oui, ben un gladiateur, c'est tout le temps un peu plus long qu'une fusillade, parce que ce qui est vraiment le fun, puis c'est ce qui s'est produit d'ailleurs, c'est ça prend le format d'une fusillade. Donc, par exemple, chaque équipe envoie 2 joueurs. Ouais. Les 2 joueurs, sans caucus... se préparent pour faire de l'improvisation. Ils ont un thème et ils doivent partir une improvisation immédiatement. Ouais. Donc, par exemple, le thème, ça peut être le chien-chat. Ouais. Et puis là, t'as aucun caucus avec l'autre personne. Bam! Faut que tu partes quelque c'est chose. C'est moi qui prends le lead entre les deux, souvent. Ouais, c'est ouais. Ça, hein? Ouais. Ben, c'est une catégorie où, justement, on joue du coude. Ouais. Puisque, à la fin de cette improvisation-là, qui est généralement 30 ou 30 secondes ou une minute, on arrête tout. On arrête tout. Et puis, le public vote qui reste, qui part. C'est un vote instantané, il n'y a pas d'attente. C'est exactement comme un combat de gladiateur, sauf que, bien évidemment, il n'y a pas personne qui meurt, non, idéalement. Pas de coupage de tête non, jusqu'à ça. Maintenant. Non, jusqu'à date, c'est pas super, mais ça va peut-être arriver. Oh. Mais une fois que toute une équipe est éliminée, le point va automatiquement à l'autre équipe, ouais. Puisque, de facto, ils ont battu toute l'autre équipe. La différence maintenant entre les deux... De? Entre, là, t'as expliqué la fusillade. Ah, non, ça, c'est le gladiateur. C'est le gladiateur. On élimine chaque joueur de l'autre équipe si le public décide que c'est nous qui restons. Mais généralement, ce qui est le fun dans un gladiateur, c'est que le public réalise, crime, on veut voir le plus d'impro possible, ou en tout cas, je sais pas si c'est conscient ou inconscient. D'habitude, on se rend assez loin dans les rondes de gladiateur. J'ai déjà vu dans le passé, là, pour continuer sur le thème du gladiateur, on avait... un match où il y avait eu un gladiateur entre les rouges et les oranges. Les rouges étaient à mon équipe et les oranges, l'équipe d'Alex Marchand à l'époque. Où l'équipe entière des rouges avait été décimée par un joueur des oranges dont je me rappelle plus. Qui avait duré tout le long. Hein? Exactement. Ouais. Jusqu'à ce que c'est pas pour me péter les bretelles. Là. Jusqu'à ce que je me pointe. Je réussis à battre lui. Je réussis à battre le deuxième orange. Je réussis à battre le troisième orange. Finalement, duel au sommet entre Alex Marchand et moi-même, les deux capitaines de l'équipe. Ouais. Finalement, Alex Marchand l'emporte. Donc, on a vu vraiment le nombre maximal d'improvisation que cette catégorie-là pouvait apporter. Je sais pas si c'est clair. Oui, non, c'est très, très clair. Merveilleux, merveilleux. Ça fait vraiment quelque chose que tu retiens, là, parce que ça arrive rarement. C'était vraiment parfait, finalement. Exactement. Des deux côtés. C'était vraiment cool. Ouais. Mais une fusillade, la grosse différence, c'est que la fusillade, les gens votent seulement à la fin. Donc, moi, je pense que le danger avec une fusillade, même avec un gladiateur, c'est que... On se souvient juste de la première puis la dernière. Oui, exactement. Ouais. C'est donc très important de choisir, et puis c'est pour ça que les arbitres laissent tout le temps un petit temps aux équipes, choisir l'ordre de passage. Idéalement, tu veux que la dernière personne qui va passer... soit ta personne qui soit... qui punch le plus. Moi, c'est ça, qui punch idéalement, parce que dans ce genre d'impro-là, c'est difficile en une minute sans caucus d'y aller pour faire une improvisation plus sentie. T'installes pas grand-chose avec non, ça. Non, pas du tout. L'objectif, c'est de puncher plus que l'autre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends cette catégorie-là, puis je pense que c'est pour ça qu'elle a été désignée, préparée. Tout à fait. Fait que ça fait vraiment des belles impro où, justement, on voit... ça joue du coude, tu sais, c'est pas des combats de blagues, c'est loin de là, mais c'est vraiment un combat de bon, ben c'est qui réussit à tirer le plus à couvercle. Ouais, qui est le plus créatif, qui amène quelque chose de nouveau. C'est sûr que des fois, t'as un 30 secondes où finalement, il n'y a pas eu de gag. Non, pas fini, puis c'est juste, OK, t'as pas eu le temps de rien faire. C'est un peu dommage, mais ça arrive. Ouais. Mais c'est de l'impro, après tout. Il faut savoir, en tant que recrue aussi, texte, non, c'est ça, pas de texte, même si on appelle ça de l'écriture d'improvisation des fois. Mais non, j'allais dire que quand t'es une recrue, t'as pas encore le sens du timing, tu sais pas c'est quoi un 30 secondes encore, nécessairement. Il faut le vivre pour le comprendre. Exactement. Puis 30 secondes à deux joueurs, c'est pas 15 secondes chaque. C'est même pas. C'est rien. C'est à peu près 10 secondes chaque de réplique, si on veut. Ouais. En gros, parce que là-dedans, tu rentres, il y a souvent un petit flottement de 2-3 secondes au début de l'impro où, bon, qui parle on en est premier, où, qu'est-ce qu'on on fait, est où, qu'est-ce qu'on fait, puis c'est correct, parce que c'est important d'avoir ce petit flottement-là. Mais ensuite, un 30 secondes, là, c'est ton souhait de là, moi, je te rentre dedans. Oui, oui, oui. Si l'autre n'est pas prêt, toi, tu vas prendre la place. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on a vu dans ce gladiateur-là, parce que je crois qu'on a vu 7 des 8 joueurs jouer, donc... si je me rappelle bien, ce qui fait que c'est un gladiateur qui est assez long. Tu sais, ça peut durer 4 impro, là, un gladiateur, si d'un côté, le gladiateur envoyé en premier, ben, pète la gueule à toute l'équipe. Oui, c'est ça. Fait que ça peut arriver, mais c'est assez rare. Pour en venir au score, j'ai réussi à comprendre ces symboles. Vas-y donc. Ça a fini au de début. Facette, hein? Ouais, de facette. C'était pour les bleus. Oui. Voilà. Oui, ça a été annoncé de façon anticlimactique. Ouais, ben, tu sais, toutes les recrues ont quelque chose, comment dire, à apprendre avec le temps. Voilà. C'était quoi le deuxième match de Stéphane Alors, Noir? Alors, le score est de 9 à 2. Ah. Ouais, mais là, laisse un peu de suspense, ça. On va faire du roulement de tambour. On aime ça. Ouais, c'est mais bon, il sait. Hein. Mais c'est correct, c'est correct, c'est pas pour... on l'aime, il se passe. Il est super bon, en plus, il calcule bien ses pénalités, pour vrai. Oui, oui, oui, c'est bien fait. C'est bien fait. Ouais, donc voilà, ça c'était le match de lundi soir, 16 octobre. Le prochain n'est pas lundi prochain, mais l'autre après. Parce que le lundi prochain... C'est le 23, je crois. Oui, 23. Ça va être le 23. Le prochain sera le 30. 23, c'est la semaine de congé. Exactement. Ça va être le 30, la veille de l'Halloween. Oui, oui. Alors, oui. Est-ce qu'il y a des costumes qui s'en viennent? Je crois pas. Les costumes, on se les patente à gosse imaginairement. Oui, vous n'avez pas le droit d'avoir d'accessoires illégaux sur scène, de toute façon. Non, non, non. Si c'est un accessoire illégal, mettons comme un costume, est-ce que tu pourrais avoir une pénalité à chaque improvisation pour te faire sacrer? Je pense. Ben oui. Oui, ben oui, c'est confirmé. Ben, je suis pas mal sûr que oui. C'est, ben, ça a du sens. Même que ça risque même pas de durer une impro, là. Puis si, mettons, là, je suis parti dans les grandes idées, là. Vas-y. Mais si, mettons, à un moment donné, ton équipe est incomplète, vous manquez de joueurs parce que c'est une semaine où il y a personne qui est disponible pour le match, ouais, c'est ça, mettons. Puis là, vous êtes 3 au lieu de 4 joueurs. Ça, on va s'organiser dans la ligue parce qu'on veut pas qu'il y ait de matchs cancellés. Ah, ouais. Hein. Mais c'est jamais arrivé encore. On va se croiser les doigts, là, parce que... Une première à tout, hein? Ouais, ouais. Mais bon. Hein? Espérons que ce soit pas le 30, puisque c'est un match qui opposera les bleus aux rouges. Ah, et là, il va y avoir une foule dans la chasse parce que la semaine ça de travaux va être terminée. Oui. Hein? C'est le retour, puis là, tu racontes à tout le monde qu'est-ce que t'as fait dans ta semaine de vacances. Déprimé, pleuré. J'étais à Old Archer, j'ai fait un voyage en Thaïlande. J'ai lu un livre pour mon cours. Oui, j'ai fait du ménage. C'est ça. J'ai été me faire teindre les cheveux, les refaire couper, les refaire friser. Ouais. Mais c'est gros, c'est long, une semaine. Après tout, il peut se passer bien du temps quand on a une semaine. Imagine. Tu sais, des fois, il y a des carrières qui se défendent une journée. C'est vrai? Imagine une semaine. Oui. Mais... Imagine. Non, non, c'est ça. Tu peux perdre toute ta vie. Toute ta vie. En une journée. Oui. Ou t'as le temps de la rattraper, de pas de ton nom. Ouais. Voyons donc. Ah. Mais espérons que la foule sera nombreuse. Absolument. Le 30 octobre prochain, puisque ce match devrait être intéressant. Surtout que c'est la veille de l'Halloween. On peut peut-être supposer que certaines personnes vont se pointer costumées. Oui. S'ils ont des parties par après ou par avant. En tout cas, on va espérer. Et puis, ben, c'est toujours le fun si justement, il y a du monde qui se pointe costumé dans la salle. C'est tout le temps bien le fun. Mais ça. Donc ça, c'est lundi le 30 octobre à 20h à la Chasse-Galerie. Sinon, encore une fois, on mentionne que le nouveau site web s'en vient. Oui. Éventuellement. Incessamment, oui. Oui. On a de nouveaux chandails. Oui. L'équipe sont super beaux. Des très beaux chandails. Venez voir ça, les chandails. Des photos de joueurs. Oui. Il semble que le concept est quand même très cool. Cette année, la lutte, c'est le thème, c'est une grande famille, si je ne m'abuse. C'est toujours fraîche, mais ouais, comme une grande famille, là, j'imagine. Ben, c'est toujours fraîche, c'est le slogan depuis... Depuis cette année. Belle lune. Non, l'année passée, c'était répond à la perle. Oui, c'est vrai. Juste avant, c'était sort de ta coquille ou quelque chose. Quelque chose comme ça, oui. Eh bien, ah ben... Mais bref, c'est des photos du primaire des joueurs. Oui, en fait, on essaie de recréer le plus fidèlement possible des photos du primaire que les joueurs ont prises. Avec les vêtements, la face, Un clavier d'ordinateur rétro. Ouais, ça devrait... C'est bien fun. Ouais, et puis là, on se rend compte que les photographes d'école primaire, là, les thèmes, parce que la lutte attire des joueurs un peu partout au Québec. Et de tous les âges. Oui, de tous les âges. On se rend compte assez rapidement que être photographe pour des photos d'école de primaire, ça doit être assez soft, merci, comme job, parce que tu te rends compte qu'en Beauce et à Sorel-Tracy, c'était le même fond. Le temps. Ouais, genre, c'était le même thème. Mais j'espère que t'es pas juste photo. Pas, je veux pas minimiser la job, mais d'après moi, ça doit pas être des photographes qui font seulement des photos. Hey, c'est sûr, tu viens blaser bien raide. C'est deux jours par année. C'est sûr, tu travailles deux semaines dans l'année. D'après moi, ils vont ailleurs. Faut ouais, mais t'as déjà vu le prix qu'il y avait, ces factures. Non. Ces factures-là? Ben, ou des photos de finissants ici à l'UQTR, ouais. Je présume que c'est à peu près les mêmes genres de compagnie. Ça coûte une sale beurrée, ah commander oui. des photos. Là. Surtout qu'à cette heure, tu peux commander par CD. Ah oui, par ouais, CD. Avant, ouais, avant, ils sont rendus en 2000, 2008. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Mais non, c'est ça, ça coûte très cher. Ce qui m'amène à penser, Mathieu, là. Ah oui, on essaie de la recréer le plus finalement possible. Oui, oui, bah, ouais. Voir ça. On a compris le très principe rapidement. Avant. Mais ouais. Avec l'Halloween oui. qui est à nos portes, Mathieu, on pourrait peut-être en discuter dans le fond d'une la semaine prochaine. Ah non! Oh, c'est quel genre de tease, c'est on ça? On aura autre chose la semaine prochaine, s'il faut, oui ou non? Ben... T'as-tu déjà eu des petits moments coquins costumés dans soirée? Non. La question, c'était, quel a été ton costume d'Halloween? Préféré ou? Ouais, préféré, le mieux réussi, le plus cool. Je suis tellement vraiment pas bon dans les costumes. J'ai tout le temps de la misère, tout le temps. Je suis pas capable d'avoir un bon costume. Ah. J'aime pas vraiment ça, en fait. Depuis que je suis adulte ou de tous les temps? Ben, on peut faire les deux catégories. Là. OK, parce que moi, quand j'étais jeune, c'est ma mère qui faisait ouais, les costumes, mes costumes ouais. et mes maquillages. Donc ça, j'adorais ça parce que j'adorais que ma mère fasse mon maquillage. Mm-hmm. Puis depuis que je suis adulte, c'est moi qui fais mes costumes et mes maquillages. T'es bonne là-dedans. Puis je dois dire que celui de l'année passée, j'ai beaucoup aimé le résultat final de mon maquillage. Ah oui? Mais mon costume, je l'ai trouvé... Meh. C'était quoi ton costume? C'était un robot. Il était cool, ça, pour vrai. Ouais. Sur Instagram, là, c'est encore là, ça? Je pense que oui, je pense qu'il est encore sur Instagram. T'es pas parmi les filles qui enlèvent leurs photos après un an? J'ai essayé de trouver, mais je pense que je l'ai gardé sur Instagram, oui. Ouais. Moi, il me semble que j'ai été des affaires là, plates, là, genre une abeille ou des trucs comme ça. Ouais, c'est j'ai été un lapin, ça, je me rappellerai toute ma vie. Un Playboy Bunny? Non, mais ma mère m'avait, tu sais, un one. J'ai déguisé ma petite fille de 3 ans en Playboy Bunny. Playboy. Mais j'avais la face d'un lapin, j'avais les dents là, dessinées. Mais je me souviens pas pourquoi, mais je me souviens que c'est un Halloween que j'ai adoré, ça. Ouais. Ça faisait chaud là-dedans, là, c'était débile. C'est ça, on portait tous notre soupe d'hiver, des fois. Ben, il nageait. En dessous. Et il neigeait tellement. C'est pas le fun, ça. Non. C'est pas un bel Halloween. Ouais, c'est le même à chaque année parce que. Ben, il fait froid. Ben, c'est ça, on a choisi pour de mettre des jeunes enfants, on veut pas qu'ils décèdent. Photo? Nice! Du costume, ouais. Réussi, hein? C'est celui c'est du robot de l'année passée, ouais. Partage ça sur Facebook, là. Comment? Ok, je vais. Assemblage requis. Moi, je. Pour ma part, je pense que j'ai déjà été au secondaire un Power Rangers. Aïe, lequel? Mais avec un saut. Le vert. Ah oui. Avec un saut en lycra. Un suit là, comme Eurion, en fait. Puis c'était avant les Morph Suits, là, avant okay. la popularisation des Morph Suits. Tu parles vraiment de la génération des Power Rangers, c'est nerd. Ouais. Non, je parle les Morph Suits dans la vraie vie. Tu sais, là, à Star, tout le monde a des Morph Suits. Je pense que c'était Mighty Morph. C'est-tu les affaires là, que c'est, ça revient jusque dans ton visage, ça? Ouais, exact. Mais moi, il n'y avait pas la capine. Il y avait. Ok, ouais. Il n'y avait pas de cagoule. Je comprends pas pourquoi les gens se déguisent en ça. Tu te déguises en quoi quand tu te déguises en ça? Ben, c'est facile. Là. En bonhomme. Tu commences ça sur eBay. Ouais, mais à ça, il y en a de plein de thèmes différents. Là. OK. Mais en tout cas, j'avais un costume Power Rangers vert, X-Mall, et j'avais porté du medium large. Donc, c'était quand même bien. Ouais, c'était moulant, ça laissait aucune place à l'imagination. Pareil comme Eric Salvan. Ouais. Pareil. J'ai été. Puis moi, après, c'est parce que. Je sais pas si c'est ma nature. Quand je suis dans un party, je suis comme content de voir des amis que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Puis tout ça. Le costume, je pense qu'il prend le bord en 27 secondes. Tu joues le personnage, là, c'est fini. Pantoute. Fuck all. Ouais. Je débarque en. T'as déjà vu Living Dead, Night of the Living Dead. J'ai la chainsaw, j'ai la petite dose coupée. J'ai, 30 secondes après, je trouve pas la chainsaw, je trouve plus de dose coupée. Oh non, pas vrai. Ben, je retrouve tout au final en soirée, mais. Il y a quelqu'un de mort. Ouais. C'est comme un meurtre mystère, ça devient comme ça. Est-ce que, vous aimez l'Halloween? Mais, non. Correct, là. Pour les bonbons en spécial, oui. OK. Ouais. C'est quoi votre bonbon préféré? L'Halloween? Ouais. Moi, j'aime bien les petites Wonder Bars, c'est le fun. Ah oui. Le genre de barres de chocolat que t'achètes jamais, là, tu sais. Mais que, à l'Halloween. T'achètes ça, c'est bon. Tu sais, les Rose Sticks. tu sais, c'est noir. Les Tootsie Rolls. Les Tootsie Rolls, ça, c'est bon. Ça, là, c'est tellement bon. C'est un de mes préférés. En plus, ça, là, on dirait qu'il n'y a comme pas d'uniformisation des tailles dans ce que le monde. Il y en a qui t'en donnent des longs d'à peu près un pied et demi, d'autres des petites crottes de même pas un pouce. C'est spécial, on dirait qu'ils font 12 000 formats de Tootsie Roll d'Halloween. Même pas de Tootsie Roll. Puis tu sais, Tootsie Roll, là, ouais. À part qu'à l'Halloween, t'as-tu déjà vu ça? Oui. Oui, ils vendent des bonbons, oui. Tootsie Roll. J'ai déjà pogné un géant Tootsie Roll. Hein? Ouais. À Montréal, dans un dépanneur. OK, je pensais. Non, c'est une créature mythique. C'est un format, là. C'est un Pokémon. Incroyable. Tu peux le couper, genre. Ça a l'air spécial, les gestes que tu faisais. T'es un géant Tootsie Roll. C'est un géant Tootsie Roll. Tu pourrais aller avec la plus grosse histoire de la journée. Ouais, exactement. Non, mais c'est vraiment bon, là, en plus. C'est sûr, c'est tellement bon, un Tootsie Roll. Qu'est-ce qui est moins bon, c'est les tirs Sainte-Catherine, je trouve. Moi, j'aime ça. Ben, j'aimais pas ça quand j'étais jeune. C'est bon. Ah ouais? C'est vrai. Bon, quand t'es jeune, c'est sûr que c'est le bonbon le plus dégueulasse. Ouais. C'est quoi, tu sais, ce bonbon-là, c'est le bonbon parfait pour les lames de rasoir. Oui. On va se dire. Oui, c'est là-dedans qu'il disait de faire attention, d'ailleurs, quand j'étais jeune. Oui, parce que c'est genre l'emballage, tu peux le défaire et le refaire. Puis, c'est ça. T'sais, en plus, c'est une grand-maman sur l'emballage. Tootsie Rolls aussi, je dirais. Ouais. Une aiguille, là, ça se pogne bien là-dedans. C'est ça. Moi, à chaque année, ils font comme « Faites attention! » J'ai jamais eu personne, mettons, à mon école primaire ou de quoi, qui... Heureusement. Mais même que, je veux dire, dans les médias, on entend rarement parler de ces trucs-là. Là. Ça arrive pas vraiment souvent. Mais faites attention quand même, là. Ça ne pas faire attention. Exactement, mais... Empêchez-vous pas de vivre. Moi, ce que je trippais, je sais pas si dans votre ville, ils faisaient ça, mais tu sais, il y a tout le temps plein de police ce soir. Ben oui! Là, ouais. Que les polices donnent des sacs en papier brun avec des bonbons. Est-ce que tu savais que, en tout cas, moi, dans le temps, il y avait des postes de police de district, là, parce que c'était pas la grande ville de Trois-Rivières. Là, le Cap de la Madeleine, c'est une ville. Tu pouvais passer au poste de police puis te donner des bonbons. Wow! Nice! Les pompiers étaient dehors, sortis. Puis il donnait des bonbons. Puis après ça, il sortait puis il allait arrêter des gens qui donnent des bonbons. Non, après ça, il sortait, il allait faire de la prévention puis il continuait à donner des bonbons. Eh ben. C'était vraiment cool, on adorait Est-ce ça. Est-ce qu'il donnait dans une vanne pas de vite? Il donnait dans les camions de pompiers. OK, OK. Ça, c'est hot. Ouais. J'ai déjà été un pompier. T'as déjà été pompier bénévole? À l'Halloween? Petit gars. Ah, OK. Non, t'aurais pu, pompier volontaire, ça existe. C'est bon. Tu surestimes ma shape. Ben là, quand même. Là, mais j'ai déjà embarqué dans un camion de pompiers, oui. De pompiers volontaires. Ouais. Cool. J'ai une photo dans un camion de pompiers de Toronto. Ouh. On est passé dans la caserne, elle était ouverte. On est rentré dedans, je suis rentré dans le truck. Là, les pompiers sont comme sortis de la salle de break. Hey, salut, il était full smart. Ah oui. Salut, t'es rendu pour partout, je suis rendu embarqué dans le truck, moi, puis on n'avait rien dit. Toi, t'étais comme un bum quand t'étais jeune, c'est vrai? Non, ça fait pas longtemps, ça, okay. Ça deux étés. On était un petit peu en état d'ébriété. Moi, j'ai vu un camion de pompiers dans une caserne de pompiers. J'ai dit, hey, on allait prendre une photo dedans. Les pompiers ont été super gentils. Ils ont seulement pas voulu que je mette le chapeau. Ah, pourquoi? T'as pas le droit? Les poux, ben oui. Les poux! Non, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. T'es à l'université quand même, fait que t'sais, les poux, hein, c'est répandu. Dans des maladies d'enfants de 5 ans. C'est ça, exactement. Ouais. Bref, c'était comme toujours très productif. Ben oui. Ben oui. Merci beaucoup. Hey, on se reparle la semaine prochaine? Ben, j'espère bien. Parfait. Puis d'ici là, j'espère que vous aurez vos idées de costumes pour l'Halloween qui s'en vient. OK. On va se costumer. Donnez-vous aux petits Halloween cette année? En bloc appartement? Moi, je suis en appart. Je pourrais pas. Parce que ma porte est barrée en bas de mon immeuble. Moi aussi. J'aurais aimé ça, par exemple. J'aurais adoré ça. Quand je restais à Montréal, c'est la seule fois de ma vie où je donnais aux Halloween, à part que, mettons, quand tes parents disent là, on travaille tous les deux, fait que donne des bonbons. Mais c'était la seule fois où... C'est le fun, parce que nous, dans les petits Halloween sont comiques. C'est ça. Je me demande si l'Halloween est aussi le fun qu'elle l'était dans le temps. Avec toutes les allergies, genre pas le droit d'avoir rien. Les gens sont-tu autant généreux que les petites madames dans notre temps? C'est ça. Ça en plus cher, les bonbons. Un sac de farine sans gluten et un verre d'eau. Tu donnes une banane, des noix. Des bananes, il y en a plein qui sont allergiques, des noix aussi. C'est vrai. Il y en a qui sont allergiques à tout. Ouais. Faut donner un verre d'eau. Ça fait mal. Tu sais, c'est plate un peu. Moi, je me rappelle. donne des soupçons. C'est ça. Mais c'est un feeling le fun de nos petits Halloween. Oui, parce vraiment. Que... Ah, t'es vu arriver, là, puis ils sont toutes fleurs. Ouais, puis ils sont surtout très gênés. Oui. Puis il y a tout le temps des petits Batman. Tu sais, des petits gars d'exemple Batman. Ouais, ouais, des petits Batman. Puis les gens demandent, genre, c'est quoi ton costume? Puis ils savent pas parce que c'est oui. les parents qui les ont habillés. Ouais, ouais. C'est quoi ton costume? Il y en a tout un que ses parents n'ont pas eu le temps de faire le costume. Fait que c'est un drap avec deux trous. C'est où? C'est un fantôme. Un cowboy. Tu sais, costume ouais. plate. Un classique. Ils ont mis une chemise carottée. Salut. La petite fille, tout le temps d'exemple poupée. Ouais. Ouais. Ah. Ouais, hein. Mais en tout cas, on prendra des notes justement dans deux semaines. L'Halloween le plus original que vous aurez vu. Hey, t'as raison, on va être le 31 ouais. la prochaine. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai? Non, on va être le. Le premier, mardi, je parle. 1er novembre. Ouais, 1er novembre. Ah, ouais. Parce que bah, nous, oui, t'as on raison, le mercredi. On est le mercredi, zut. Sinon, tu vas être là quand même la semaine prochaine, mercredi. Fort probable. Pour parler de tout et de rien. Exactement. Pour le fun. Ben oui, le temps va et vient. Ben voilà. Merci encore, Guillaume. Hey, ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. Oui. Ben oui, quand même. Bye bye. Bye. Salut, Tania. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage Ricky, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. On est seuls pour la reste de l'émission aujourd'hui. Oui, oui, oui, c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, les gens nous quittent après. Non! Il nous reste seulement le temps de faire ta chronique à toi. Mm-hmm. Est-ce que c'est une longue chronique ou une courte chronique? Je te dirais moyen, Mathieu. Est-ce qu'on se prend une chanson avant? Ben oui, pourquoi pas. On écoute Emily Haynes and the Soft Skeleton. Voici Statuette. Sur C'est fou. 89 FM. Haynes and the Soft Skeleton. La pièce Statuette, assemblage requis. Ah, maintenant, il ne sera pas une statue. Il va nous faire bouger. En fait, je pense qu'il va bouger sur sa propre chanson thème. Voici ta nièce, Gonna Entertain Ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est un... She's gonna see. Ok, mal à la voix, ce gars-là, ce matin, c'est incroyable. Tania? Oui? Je me rappelle que tu nous as mentionné un mot qui était vraiment comme alternatif, mais c'est pas mal. Exactement. Tout ce que t'as dit. La plupart, je pense que vous le savez, je suis en plein mois d'octobre. Donc, les alternatives viennent aux alternatives alcoolisées, ben Mathieu. Oui, j'aurais dû y penser. Ben, OK. Pas vite, le gars. Bien, en fait, j'ai mis la main sur une actualité du monde français. J'ai fait la recherche pour savoir si c'était la même chose ici du côté du Québec. J'ai eu un petit peu plus de difficulté à trouver l'information, je vais vous avouer. Mais du côté de la France, en fait, la présentation des boissons non alcoolisées est obligatoire dans les endroits publics. Ah. Donc, si, par exemple, on se retrouve dans un bar, on est obligé d'avoir à la vue de tout le monde une option non alcoolisée, que ce soit des jus, que ce soit des bouteilles d'eau, que ce soit du Coke, les du Pepsi, jus. Peu importe. Les petits jus, c'est pour les lunchs. Les petits jus. C'est obligatoirement quelque chose que ça doit être vu par le public. Ouais. Donc, pour avoir une alternative aux boissons qui sont alcoolisées, il y a des sanctions aussi pour le non-respect de tout ça. Je me suis posé la question à savoir si c'était la même chose ici du côté du Québec. J'ai eu beaucoup plus de difficultés à trouver l'information, sachez-le. Alors, as-tu vu beaucoup d'annoncer, toi, d'afficher des drinks, Je dirais que, par exemple, du côté de la Chasse-Galerie, oui, parce que, bon, les réfrigérateurs sont quand même assez gros, on les voit bien. Ouais. C'est une des... Je pense qu'on voit quasiment mieux ça que l'alcool, tout simplement, qui se trouve dans le bar. Ouais. Par contre, si on va dans un bar du centre-ville, c'est un petit peu plus difficile de te dire qu'est-ce que tu as de non-alcoolisé parce que tu le vois pas. Ouais. On va se le dire. Et je sais que tu m'as déjà raconté que tu te fais juger quand tu demandes quelque chose de non-alcoolisé. Oui, ça dépend de où tu vas, j'imagine. Ça dépend de qui se trouve derrière le bar. Si tu le connais, il va rire de toi, ça. C'est ça, ça ressemble à ça. Salutations. Mais aujourd'hui, en fait, je vous parle de mocktail. Ou quand, justement, le sans-alcool envahit les bars. Parce que ça devient un petit peu une mode. On le sait, pas nécessairement une mode, mais je pense qu'il y a un changement du côté de la santé chez la plupart des gens qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus de monde qui se disent qu'ils vont tout simplement délaisser les boissons alcoolisées. Et le mocktail, bien, c'est justement des drinks qu'on penserait alcoolisés, mais qui ne le sont pas du tout. Donc, c'est plus un secret. Il y a des bars à cocktails qui cessent de fleurir dans les grandes villes, tout comme dans le reste un petit peu du monde. Il y a des bars qui sont vers la pente descendante. Il y en a qui manquent de monde à l'intérieur du bar, on va se le dire. Surtout si vous regardez, par exemple, exemple, ici au centre-ville de Trois-Rivières, on a tellement de bars pour le nombre de personnes que oui, ça se peut. Des fois, on voit des bars fermés pendant certaines saisons. Mmh. Exactement, les Sœurs Grises. On a déjà vu aussi certains bars fermés pendant la période d'hiver. On a vu, entre autres, je pense que c'est la petite grenouille, je veux pas dire n'importe quoi, mais y en a qui ont cessé leur activité pendant un certain temps, pendant un certain nombre de mois, de semaines, parce que bon, il y a pas de monde qui sorte pendant ce temps-là. C'est peut-être justement un effet du fait que les gens ne veulent peut-être plus nécessairement sortir dans les bars pour pouvoir consommer de l'alcool. Ouais. Si je décide de consommer quelque chose qui est non alcoolisé... C'est ton droit. C'est mon droit, mais il y a aussi des gens qui ont de la difficulté à le faire à l'intérieur de certains bars. Parce qu'il y a, comme on le disait tout à l'heure, il y a un certain jugement qui vient autour de ça. Un petit jugement. Je te dirais que, déjà en partant, si les institutions de boissons alcoolisées, donc les bars, te servaient ton eau pitienne dans un verre au lieu de te donner la bouteille d'eau pitienne, peut-être. Je suis comme ça, mais peut-être qu'il y aurait moins de jugement, ça aurait plus l'air d'un mojito ou je sais pas plus, quoi. La fois, tu me disais qu'ils chargent aussi cher quasiment que pour un verre d'alcool, c'est l'eau vrai. Pitienne. Fait. La plupart du temps, ça, oui. Ça peut être servi dans un verre. C'est ça, exactement. Donc, il y a quelque chose, en fait, qui intrigue une grande majorité des gens, c'est le cocktail sans alcool qui est dans l'esprit du grand public présentement. C'est un mélange de boissons et d'ingrédients qui s'adresse uniquement aux personnes qui consomment pas d'alcool. Pourtant, aujourd'hui, le sans-alcool, c'est devenu pour beaucoup de bartenders ou d'institutions une façon de reconnaître aussi une espèce de marque de commerce et de reconnaître aussi des saveurs à leur juste valeur. Donc, si vous faites un drink à base d'orange écrasé, bien, le goût de l'alcool va pas venir atténuer ce goût-là. Donc, pour certains, on met vraiment l'emphase de ce côté-là. Et le goût du cocktail va pas dépendre de l'alcool qui va être utilisé non plus. Mmh. Si tu dis « je vais mettre du gin à la place de la vodka », ça goûtera pas la même chose. Donc, à bel et bien y penser, c'est peut-être pour certains une nouvelle formule de pouvoir faire de l'argent dans certains bars. Oui. C'est en pleine émergence, on va se le dire. Il y a certaines institutions qui ont essayé de comprendre un phénomène d'envergure justement avec ça. C'est devenu le monde du sans-alcool, mais c'est aussi appelé le « mocktail ». Donc, c'est un terme anglais qui a été créé du verbe « mock », qui signifie « imiter un cocktail. C'est pareil comme un mockumentary qu'on appelle un documentaire en français. Donc ça, ce serait comme une boisson menteuse. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est ça. Et c'est une nouvelle tendance, entre autres, à New York, à Londres, Paris, maintenant aussi. Mais il y a eu une naissance du sans-alcool, il faut se le dire. L'offre des bars qui est spécialisée en cocktails, la mixologie et tout ça, on le voit de plus en plus. Ici, à Trois-Rivières, on a, par exemple, le pot qui vont faire des drinks qui vont être spécialisés en cocktails. Ça ne sera pas nécessairement des bières. Ils en ont, mais leur carte n'est pas centrée sur les bières et ça n'est pas centré non plus sur les cocktails qu'on connaît très, très bien. Oui. C'est plus des cocktails d'invention. Pour essayer des choses. Ben exactement. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus large qu'il y a certaines années de ce côté-là. Et durant les dernières années, on a continué à développer tout ça. Donc, étonnamment, l'offre de boissons non alcoolisées suit le mouvement aussi. Il y a de plus en plus de gens qui continuent à sortir, mais qui décident tout simplement de prendre la version virgin. C'est ça, même si tu commences en buvant des trucs non alcoolisés parce que t'es enceinte ou peu importe, tu peux avoir envie de continuer après parce que t'aimes beaucoup mieux sortir et comprendre ce que les gens disent que d'être complètement marteau. T'sais. Exactement. Ouais. Les cocktails, ça suit généralement des modes, ça suit généralement aussi l'évolution sociale. C'est exactement la même chose avec le mocktail. C'est pas parce que tu décides de réduire ta consommation d'alcool que tu ne pourrais pas avoir le même style de drink, mais virgin. Donc, le mocktail, c'est vraiment dans cette idée-là. Si on dit, par exemple, je vais te prendre un mojito, fais-moi le virgin. Mm-hmm. C'est l'option d'avoir le mojito virgin. Ouais. Tu peux pas dire, malheureusement, fais-moi un martini virgin. Oui, parce que c'est ta base même. Exactement. Donc, de ce côté-là, les cocktails ont fait en sorte qu'on avait la possibilité de pouvoir avoir des boissons non alcoolisées qui étaient un petit peu plus le fun que de simplement boire de l'eau pétillante ou de boire un jus ou un Pepsi à côté sur le bord du bar pendant que tu jases avec tes amis. C'est ça. T'sais? On est à la découverte de ce monde-là. C'est des cocktails, comme je le disais tout à l'heure, qui sont à tendance sans alcool. Et je vous le dis, là, ça paraît pas que c'est sans alcool. Ça goûte bon quand même. Ça goûte bon quand même. C'est présenté comme si c'était alcoolisé, donc dans des verres qui vont te donner pas l'allusion, mais ils vont te donner un petit kick. T'auras pas le verre plate, rond, avec de l'eau, pas de tranche de citron. Au contraire, on va vraiment y aller du côté esthétique aussi, donc la couleur du drink. On va faire ressortir tout ça, par exemple, avec du jus de canneberge. Tu sais, un vodka canneberge, ben on s'entend que c'est quand même assez foncé. Donc, si on demande un drink à base de jus de canneberge, bien, automatiquement, il n'y a pas personne qui va pas savoir qu'il y a de l'alcool dedans. C'est ça. Mais en tant que tel, ça va être fait avec tout le temps de l'eau pétillante? Ça dépend. Il y en a qui va faire être à base de lait et tout ça. Il y en a qui va être à base de boissons pétillantes. Donc, par exemple, le Pepsi, le soda, l'eau pétillante. De l'eau tonique. De l'eau tonique, exactement. Donc, il y a une équipe en collaboration avec Éducalcool qui ont convié justement à faire la découvrir, à la découvrir, oui, la découverte de cette nouvelle tendance-là qui est des cocktails low-proof. Low-proof? Oui, exactement. Ah, ça veut proof dire... comme le pourcentage d'alcool? Bien, autrement dit, c'est des cocktails à faible teneur en alcool. Quand on parle de 0,5%... Ouais, les couleurs. Bien... Non, je veux dire, les couleurs, parfois, il y a peut-être plus que 0,5%. Ah, bon. Mais si vous regardez une boisson qui a été désalcoolisée, par exemple, c'est pas quelque chose que tu peux faire sans alcool à la base. Oui. Il faut que ça soit alcoolisé, puis par la suite, tu fais... On l'enlève. On fait l'inverse, donc on enlève l'alcool dedans. Mais il faut que tu gardes un mini pourcentage d'alcool pour être assuré, en fait, au client que oui, ça a déjà été alcoolisé. Donc, on s'entend, tout ce qui est vin sans alcool, tout ce qui est mousseux sans alcool, la plupart du temps, vous allez avoir une étiquette qui est de 0,5. Mmh. Parce que justement, à la base, c'est une formule qui est faite pour avoir de l'alcool à l'intérieur. Ouais, ça reste du vin. C'est ça. C'est ça, exactement. On a enlevé tout ça. Donc, ils peuvent tout simplement pas, selon la loi, marquer 0,0% parce qu'ils ne peuvent pas garantir qu'il n'y a pas un mini pourcentage d'alcool qui se retrouve à l'intérieur. Mais donc, tu pèteras pas à ballon avec ça. Non, c'est ça, exactement. Si on regarde les mocktails, bien, ça s'est passé du côté de l'institution Les Enfants Terribles qui est située à l'île des Sœurs. C'est une équipe qui a décidé de vraiment présenter ça à la plupart des médias autour parce que c'était encore un peu méconnu du côté du Québec. Ça se voyait beaucoup du côté des États-Unis, beaucoup aussi du côté de l'Europe, parce qu'on a plusieurs documentaires qui montrent que les jeunes boivent de plus en plus du côté européen. Alors, si tu te trouves avec un drink de la même couleur que ton ami qui boit son drink, elle, il est alcoolisée, toi, il est pas alcoolisé, personne mais vous avez exactement question. Le même drink dans les mains, personne ne va te dire pourquoi tu bois pas. Ouais. Donc, ce jugement-là, il est difficile à porter sur la plupart des épaules des jeunes, surtout qui veulent arrêter de boire. Donc, la story des mocktails, l'histoire derrière tout ça... On se croirait sur Instagram avec tes stories. C'est fou, hein? Bien, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est en pleine émergence. C'est la tendance des cocktails sans alcool. Ça devient un petit peu un must dans la plupart des bars, dans la plupart des restaurants aussi. C'est dans le cadre des moments festifs, des sorties dans les bars ou des restaurants, comme un peu à la façon do it yourself. Donc, si vous avez un barman, puis vous lui demandez un mocktail, bien, ça peut très bien être sa propre création qui va vous servir. Vous devez avoir confiance quand même à la personne à qui vous allez devoir demander un mocktail pour la plupart. Sinon, vous faites simplement arriver avec votre idée même, c'est-à-dire « moi, mojito virgin », tu sais, c'est clair, net et précis. Tu peux dire quoi mélanger, tu peux dire trois quarts de ça, un quart de ça. Tout à fait. C'est bien. Tout à fait. Donc, on suit un petit peu plus la mode du côté santé, la mode aussi d'être conscientisé à. Donc, si tu veux pas avoir d'hangover demain matin, ben c'est mieux de boire des mocktails que de boire la bouteille de champagne qui est présentée devant toi. Ou si tu es genre à boire très, très vite comme moi, tu veux que la soirée dure un petit peu plus longtemps, à place de commencer à te garnir la face de plein de cocktails l'un après l'autre, ben espace-les ou mets des cocktails, des mocktails entre les deux. Puis tu peux en boire comme tu veux pendant la soirée parce que ton taux d'alcoolémie sera jamais topé. Oui. Donc, tu vas être loin de te contenter, par exemple, du simple Orangina qui est tout le temps dans les bars. Ouais. Fouille-moi c'est pourquoi. Bon, mais... ou du triste Crush. Tu sais, la boisson Crush au raisin, il y en a des fois dans les bars. Donc, dans un verre ordinaire, comme je le disais tout à l'heure. Tandis que si on te fait un pina colada sans alcool, on va te la mettre, ta tranche d'ananas. C'est tout est dans le look. Va être là. Et avant, c'était pas centré là-dessus. On centrait pas dans les bars les drinks sans alcool au même look qu'on pouvait avoir un drink avec alcool. Et c'est ça qu'on essaie de mettre de l'avant. C'est ça qu'on essaie de faire un petit peu la popularisation. Ouais. C'est qu'on veut être au même niveau que l'autre personne qui va boire à côté de nous et pas se sentir cheap. C'est normal. Tu te fais donner un verre d'eau pétillante dans un bar. Bien souvent, tu vas avoir une tranche de lime dedans, that's it. C'est lait. Ouais. C'est lait. Tu sais, probablement que ton faux drink, là, ton verre d'eau, me donne zéro le goût d'avoir du fun dans ton bar ou de t'en acheter d'autres. Ouais. Parce que oui, t'as payé l'eau. C'est ça. C'est pas de l'eau de robinet, ça. Tant qu'à me donner de l'eau avec une tranche de lime dedans, me la faire payer 4$. Force-toi. Donne-moi un mocktail. C'est ça. Tu sais, donne-moi quelque chose qui va être virgin au même goût que ce que mes amis vont être en train de boire, mais qui n'aura pas d'alcool. Comme j'ai dit tantôt, ça veut pas dire que t'es obligé de boire que des mocktails. Si tu veux varier puis prendre cocktail, mocktail. T'sais, tu peux prendre les deux, tu Exactement. Peux y aller avec modération, il n'y en a pas de problème. Et si vous regardez, il y a des restaurants maintenant, il y a des bars qui vont vous sortir une liste, un menu qui va être soigneusement réfléchi sur les drinks sans alcool. Bonne idée. Je fais entre autres référence ici à Trois-Rivières, par exemple, le Bob. Vous allez avoir une section sans alcool, mais ce ne sera pas pareil que la section avec alcool. Ouais. Donc, ça va être des drinks qui sont complètement différents, mais c'est basé sur l'idée du mocktail. Donc, vous allez avoir une allure dans votre verre. Vous allez avoir l'impression de boire, par exemple, un Sex on the Beach. Ça va être appelé autrement et ça va être créé autrement aussi. C'est le fun. On aime ça. C'est une... Comment je pourrais dire? C'est une alternative à tout ce qui est plate, en fait. C'est ça. Donc, c'est justement ça qui fait en sorte que ta soirée dans le bar, elle va peut-être être plus plaisante que si tu dis « Ah non, moi, je sors pas, je bois plus. » Parce que si on te donne juste un verre qui est plate, peut-être que ça va te dire, ouais, hein, c'est plate. Hein, c'est ça. J'aimerais peut-être boire. Moi, Sex on the Beach, version sans alcool, j'appellerais ça un fornication near the pool. Ouh! Ou un cake by the ocean. Oui, Donc, c'est un défi aussi qui est plaisant pour certains barmen de devoir leur demander quelque chose qui est sans alcool. Mmh. Parce que certains boivent pas non plus pendant la soirée. Non, puis ils peuvent ne pas vouloir montrer qu'ils boivent pas, alors qu'ils peuvent se faire des mocktails, puis soudainement, leur soirée est meilleure. C'est ça, c'est différent, de, encore une fois, pour eux, de boire une canette de Pepsi derrière le bar. Là, ils peuvent se faire un faux drink, le boire. Donc, soudainement, on soutient un peu des mixologues qui décident de faire les choses autrement. On sort des sentiers battu en ce qu'on connaît. Et ça sort aussi un petit peu du fameux Shirley Temple. C'est quoi ce nom? C'est 7-Up Grenadine. Ah, bien. Mais on s'entend qu'il n'y a pas grand ingrédient là-dedans. Non. Donc, la plupart du temps, les mocktails, on va avoir travaillé un petit peu plus sur la liste des ingrédients qui va se retrouver à l'intérieur de notre Est-ce drink. Est-ce que tu prends quand même on the rocks ou... Ça dépend, ça va dépendre du drink qu'on va te présenter. Il y en a qui vont être servis dans des coupes à champagne. Il y en a d'autres qui vont être servis dans des coupes à vin. Il y en a qui vont être servis dans des verres à martini. Tu sais, ça va vraiment dépendre du choix que vous allez demander. Et ça va dépendre aussi du choix du barman. Oui. Donc, gardez dans la tête que c'est tout le temps le fun. Une autre initiative, une autre alternative, en fait, que j'ai trouvée, c'est québécois, sachez-le, mais ça part de l'importation Navino, qui sont des vins sans alcool. J'ai récemment connu ça parce que, bon, je suis dans mon mois d'octobre. Je me fais dire, on s'en va dans un restaurant, c'est un apporter votre vin. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Je bois-tu de l'eau toute la soirée ou je vais à SAQ? Puis je m'achète un vin sans alcool. Ouais. Parce que, sachez-le, à la SAQ, ils ont des vins sans alcool. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Je m'en viens justement sur le sujet. Vous allez voir, j'ai une petite liste pour vous. Mais je me pose cette question-là. Je fais, hey, je vais-tu avoir l'air plate si j'arrive pas de bouteille? Tu sais, cette pensée-là, elle reste quand même en tête. Mm-hmm. Parce que les gens, souvent, vont te poser la question, ben voyons, pourquoi tu bois pas? Les gens se mêlent tellement pas de leurs affaires, hein? Aussi. Mais on dirait que de répondre à cette question-là, ça t'amène un petit... Oh, je réponds quoi? Oui, qu'est-ce que je fais? Ben, je suis dans le mois d'octobre. C'est quoi ça, le mois d'octobre? T'sais? Écoute l'assemblage requis, mais... Exactement. Donc, de ce côté-là, d'avoir des choix qui sont différents, c'est tout le temps le fun. J'ai fait la découverte des vins Les Cocottes. Une compagnie québécoise. On a désalcoolifié des vins, désalcoolisé des vins. Encore une fois, je vous le rappelle, ils peuvent pas garantir que c'est 0% au grand complet. Mais ici, en Mauricie, c'est possible de les retrouver chez IGA du Boulevard des Forges, chez Métro du Boulevard Thibault. Ou encore, on se pose souvent la question, si je vais au restaurant, c'est pas un apporter votre vin, Est-ce qu'il y a des endroits qui vont pouvoir me servir du vin sans alcool? Il y en a sûrement genre un. Il y en a un présentement à Trois-Rivières qui le fait, et c'est le Boc Traiteur. Pas le Boc Traiteur, mais le Boc, au centre-ville de Trois-Rivières. Respect, justice. Et on, oui, exactement. On va retrouver les produits, les cocottes à cet endroit-là. Donc, c'est le fun. On aime ça. Il y en a pour certains aussi qui va y avoir des mousseux sans alcool. Donc, par exemple, du côté du Boc, vous allez avoir des mousseux sans alcool. T'es c'est pas tout le temps un mou de pomme, là, tu sais, ça va c'est faire. C'est ça, tu sais, donne-moi un mou de raisin, je sais pas, quelque chose. Donc, les cocottes, en fait, c'est moderne, c'est élégant, c'est l'idée qu'on a voulu donner à la marque, et ça connaît un beau succès aussi du côté des Pays-Bas. Donc, c'est un aspect... Il y a un faible taux en sulfite et il y a une absence de produits d'origine animale. Donc, pour ceux qui sont vegan, vous allez peut-être apprécier aussi les vins et les cocottes. Ça sort d'une élaboration. Donc, on a créé, en fait, une émulsion autour d'une marque qui est pleine de fantaisie. On a appelé ça les cocottes parce que la plupart du temps, ça va être des filles qui vont boire des vins sans alcool. On veut pas mettre de ne pas confondre avec les cocottes, c'est Eric non, Salvaille. Non, c'est ça, exactement. Oui. Donc, les cocottes, vous avez l'option du rouge, comme vous avez l'option du vert aussi. Pour le rouge, ça va être un merlot, donc ça va être un vin sans alcool. Vous allez quand même avoir la couleur très pourprée. Ça va être dense. Vous allez retrouver des arômes que vous allez pouvoir retrouver dans des vins avec alcool. Et souvent, les vins qui ont été désalcoolisés ou qui n'ont pas d'alcool sont plates. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tu ne retrouves pas ces fameux arômes-là qu'on a à la base dans un vin. Si, par exemple, moi, j'aime mon vin corsé, là, mon vin rouge, là, je veux qu'il goûte le bois de chêne. Mmh. Mais bien souvent, lorsqu'on va désalcooliser un vin, ça va enlever tous ces arômes-là. Ah, bon. Et les cocottes, ils ont réussi à trouver la formule qui fait en sorte que ces arômes-là vont être conservés dans ton vin sans alcool. Donc, vous allez avoir, par exemple, des arômes qui vont être fleuris, qui vont être fruités. Vous allez pouvoir retrouver des notes de fruits rouges, mais aussi un équilibre qui se marie très, très bien avec ce que vous allez consommer. On parle, par exemple, de viande. On parle de grillade. Donc, en bouche, on va se distinguer par notre fraîcheur et on va aussi avoir un équilibre parce qu'automatiquement, on n'aura pas d'alcool. Donc, l'équilibre viande et vin désalcoolisé va rester quand même. Vous avez une durée de garde, par exemple. Ah. Sachez-le, c'est pas comme, comme le vin est-ce qui est normal. C'est mieux parce que le vin, c'est quoi, 2-3 jours? Puis ça devient vinaigré. Non, mais je parle... ouais, c'est ça, quand c'est ouvert. Ah. Mais pas ouverte, votre durée va être de 3 ans. Oh, wow! Okay. Parce qu'il n'y a plus d'alcool pour conserver les arômes et ça tout ça. Ça reste long. Ça reste long quand même, je suis d'accord avec toi. Et le côté blanc, je l'ai goûté. Oh. J'ai beaucoup aimé. C'est une robe qui va être quand même assez dorée et vous allez avoir des arômes de fruits tropicaux, de pêche, de litchi et de fleurs blanches. Donc, vous allez avoir en bouche quelque chose de fruité, quelque chose de très délicat quand même. Et c'est le fun parce que tu arrives... au restaurant, avec cette bouteille-là, il n'y a pas personne qui sait que c'est pas sans alcool. Tu la mets dans bouteille. Tu le tapes dessus. Ben non, mais tu le mets dans le rack à glace, là, dans le seau à glace. Il n'y a pas personne qui va poser de questions. Là, pour dessus, c'est marqué Chardonnay. Fait que, tu sais. C'est correct. Mais pour te rattraper pour une grosse pointe d'adresse, si tu n'as pas amené de produit depuis le début de l'été, est-ce que tu vas amener une bouteille de vin ben, sans alcool? Hey. Eh ben, hey! Hein? On goûte-tu le rouge? C'est ça? Ah, y ben avait oui, déjà certainement. Pensé. Ben oui, j'y avais déjà pensé. Donc, les cocottes, comme je vous le disais, c'est québécois, ça vient de chez nous. Mais les importations Navino, c'est un site Internet où vous pouvez commander en ligne. Vous allez avoir plusieurs différences, en fait, de produits. Donc, vous allez retrouver les cocottes, vous allez retrouver les pierres, qui sont la plupart du temps des mousseux, sachez-le. Et ça va être possible pour vous de les commander en ligne et de les recevoir chez vous. Wow! Ça, on adore ça. C'est sans parfait. Alcool. Tu te fais livrer ça chez vous. Allez sur la page Facebook en passant. Importation Navino. Ils font beaucoup de concours pour pouvoir gagner des produits. Par exemple, des mousseux zéro alcool à l'intérieur. Donc, c'est tout le temps le fun. Parce que tu te dis, ah, c'est le fun de pouvoir gagner du vin. C'est le fun de pouvoir gagner une bouteille de vodka. Mais qu'est-ce qu'il y en est lorsqu'on boit pas? Effectivement. Donc, c'est tout le temps le fun de pouvoir avoir une petite idée comme ça. Et si jamais ça vous intéresse, le site Internet, c'est navino.ca. Vous allez avoir tous les produits en ligne pour pouvoir voir ce que vous pourriez, par exemple, commander, vous faire commander. Vous pouvez vous arranger une gang d'amis en sorte... Cotisez-vous. C'est ça. Bien, cotisez-vous, regardez ce qui vous intéresse. Et comme je le disais tout à l'heure, SAQ... plusieurs. À midi, les panneaux, c'est fou. VHS à 13h, Mathieu Plancheau à 15h, Audiomatique à 17h et écoutedon.ca à 18h. On se quitte avec une pièce de Monde ou Seigneur ici-bas et on se retrouve demain 7h. Bye bye. Bye, bon café. Une façon de se rendre.